Vous êtes dans la zone 89.1. C'est fou! Le plan d'aujourd'hui à Assemblage Requiche. Sébastien Gartin sortira des raquettes pour nous parler du racket qui est la politique dans son lutin Gartin. Et Alfalfa le lutin, espérons-le, ne nous posera pas un lapin et bravera la neige pour venir nous parler de jeux de société. Assemblage Requiche commence tout de suite. Assemblage Requiche pour toi, aujourd'hui. Assemblage Requiche pour toi, aujourd'hui. Bonjour et bienvenue à Assemblage Requis en ce mercredi 25 janvier 2017 à 92 jours de la fin de l'année scolaire en temps direct des studios TFO à Trois-Rivières. Je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, Tania Baudin. On s'est rendu. Hey boy! Tout le monde est safe and sound. C'est fou quand même, on n'a pas tant de minutes de retard. Non, c'est ça. Je croyais honnêtement arriver comme vraiment plus tard que ce que je suis arrivée. Je tiens à remercier mon père et quelqu'un d'autre qui m'ont aidé à c'est sortir du banc de neige ce matin. Alors on va accueillir Sébastien Viertin tout de suite. Question de parler de du début de la journée d'aujourd'hui. Bon. Ton 3 minutes, bonsoir. Ton bonsoir. 3 minutes de route a été pénible aussi. Hein. Ouais. Hey, c'est glissant en plus, ouais. Ça a comme pas de bon sens. Le 3 minutes, c'est une chose. Puis ça, on dirait que tout le temps, dans le temps que t'as pas beaucoup d'adhérence, que le monde décide de j'ai pas le temps de passer, mais moi, il y a le pareil, il breakera. Ouais, c'est ça, j'ai eu une coupe de frousse en chemin. L'autre chose aussi, c'est que ça, effectivement, ça me prend 3 minutes de char pour m'en venir à l'université, ce que je fais quand je viens à chronique parce que j'ai tout le temps de coup tout de suite après. Mais ça m'a pris un bon 10 minutes, 15 minutes de neiger l'auto parce que c'était un peu. C'était pas vrai, c'était plus vraiment une auto, c'était plus comme un banc de neige que la possibilité de se déplacer, ouais. Mettons. Fait que c'est ça. Ouais. Moi, je suis le gars à pied dans l'équipe. Je suis en autobus, en fait. Et la butte de neige devant mon arrêt d'autobus, le banc de neige sur toute la rue au complet, il a fallu que je me mette dans la rue pour attendre l'autobus. Oh fait boy. Que les chars devaient m'éviter, c'était toute beauté. On voit pas super bien là en plus ce matin. Là. Ah, c'est le fun. Donc préparez-vous mentalement ce matin avant de sortir. On est là pour vous avertir. On est une émission de service, on vous le dit. C'est ça. C'est ça. On n'est pas une émission qui fait la météo, mais on vous dit, gars, il y a de la neige. Si t'as la possibilité de rester chez vous un matin, reste chez vous. Hey, je si t'as à sortir, pars chez Canadian Tire, t'acheter des traction. Exactement. Tania, ça fait 3 ans que Tania Spang dans sa cour, je sais pas trop quoi, dans son stationnement, puis elle a toujours pas de traction. Ça fait exactement 3 fois que une certaine personne m'aide à sortir d'une certaine situation où je suis pris dans la neige. La certaine personne, en passant, peut te faire un cadeau de Saint-Valentin de traction aid. Ça serait pas pire, parce que c'est vraiment la seule chose qui manque dans mon char. Puis à chaque fois... On arrive à ma rescousse comme ça. Alors, merci. Tiens, babe. Bloody traction aid. Bref, à l'émission d'aujourd'hui, on devrait avoir Alfalfa Lutin à 9h pour nous parler de jeux de société, d'alcool. Des fois, il fait un mix and match. Il devrait être là. Avec aussi dans les coulisses de la Luître. Donc, on va faire ces deux chroniques-là à 9h. Ta chronique s'en vient. Tania Iskona et Tania, qu'est-ce que tu nous présentes aujourd'hui? Eh bien, je vais vous faire un bref retour sur le retour sur le spectacle d'hier soir qui avait lieu au 10-12. On se souvient, c'était Karim Ouellet qui était là. Le portefeuille. Exactement. Karim Ouellet, qui était là dans le cadre du carnaval étudiant. Je vais revenir un petit peu sur le spectacle, mais je vais aussi vous parler d'humoristes. Oui. Oui. De lundi soir. Ben non, même pas. Okay. De d'autres humoristes. Oui, de d'autres humoristes, mais oui, Kat Levac et Kevin, je pense, si je me souviens bien, c'est Descoteau qui était là. Ça a l'air que c'était hallucinant, c'était drôle, c'était bon. Je suis triste d'avoir manqué ça. Bon. Mais je vais vous parler de ça tantôt. D'accord. Donc, ça, c'est vers les 8h et quelques, donc juste après Sébastien. Justement, Sébastien F. Gartin qui est avec nous en studio pour sa chronique. Allons-y à l'instant. À Bulletin à Gartin. Bulletin Gartin, bonjour officiellement Sébastien Gartin. Bonjour. Et on je parle suis maintenant vraiment en onde. Ouais, le reste de l'émission. C'était mon fantôme. Qui... C'est ça. C'est des préliminaires. Exactement. Tiens, je t'offre des traction aids. Fallait être là pour comprendre le gag. Ouais. Donc, Sébastien, on parle d'actualité, on parle de politique, on parle de peu importe, de nouvelles. Oui, de nouvelles, de nouvelles d'actualité. Moi, ça se veut tout un petit peu éditorial aussi, parce que c'est sûr. On se mettra pas de barrière. Sur les faits. On restera pas poigné dans la neige, voyons. Je vois ton téléphone dans les mains, ça veut-tu dire que ce matin, c'est pas podcast? C'est préparé. C'est avec casque. Oh my God! Je me suis préparé, j'ai des sources. J'ai même des vidéos à vous laisser pour après l'émission, si vous voulez les mettre sur la page. puis tout. Cool. Tout. On ça, on de quoi je vais parler? Je vais dans mon émission, on va dire à Sandage Rocky, oui. Hey, la sortie de à votre gauche le lundi 11h, première plug de la chronique. Et voilà, ça s'arrête. On compte le nombre de fois ça va arriver aujourd'hui. On parle souvent de ce qui se passe aux États-Unis, en fait, parce que évidemment, depuis un an, c'est intéressant avec depuis que la présidence est rendue une show de TV réalité. Donc, c'est ça. Donald Trump a été assermenté vendredi dernier, le 45e président américain. Je vais commencer en vous disant... Si vous... C'est comme ça que ça commence. Pour qui connaît Triumph de Comic Insult Dog, oui. c'est un sketch, en fait, qui se fait une fois de temps à autre à Conan O'Brien. C'est un show d'humour là, sur l'actualité aux États-Unis. Un talk show, là. En gros, c'est une petite marionnette de chien qui parle avec une espèce d'accent italien un peu, puis qui insulte les gens. Voilà. En gros, il est allé à la sermentation dans des spots où il y avait beaucoup de gens avec les calottes Make America Great Again, puis il rit d'eux autres. Puis un des running gags tout le long du sketch, si vous pouvez le trouver, il est sur YouTube, il est super facile à trouver. Une des jokes dans le sketch, c'est qu'à toutes les fois qu'il dit President Trump, il se met à vomir. Là, il essaie de. Il dit à un moment donné, bon, on va essayer d'être sérieux, on va essayer de faire un débat parce qu'il y a des gens intelligents des deux côtés, de ceux qui aiment Trump et de ceux qui l'aiment pas. On va essayer de les faire discuter sur des political issues, des trucs sérieux. Il dit, donc, President Trump, il se met à vomir. À chaque fois qu'il arrive pour commencer sa phrase, il finit qu'il n'y a pas de débat parce que tout le monde part à vomir. Des fois qu'il arrive pour dire President Trump. C'est drôle, c'est des règles faciles, c'est les mêmes depuis genre 25 ans, mais ça reste drôle. Tu sais, comme il va dire, genre quelque chose est extraordinaire pour chier dessus. Exactement. Mais ça, parfait, ça, il dit plus, hein, parce que dans celui-là, il l'a pas fait pas en tout. Je m'attendais à ce qu'il en lâche une coupe. Tu sais, quelque chose est fantastique, for me to poop on, là, mais c'était pas. Il n'y a pas eu ça. Il l'a pas lâché cette fois-là. Je pense que c'est laqué un peu sur le. Parce que celle-là, il faisait vraiment trop. Ouais, vraiment trop ça. C'est trop facile. C'est Robert Smigel, le même qui faisait les dessins animés dans Saturday Night Live. Il y a plusieurs décennies de ça. Ça se peut. Bon. Honnêtement, je pense que c'est le troisième vidéo que je vois de lui. J'avais vu celui quand il était allé à quand Star Wars épisode 2 était sorti, qui était vraiment hilarant. Puis j'avais vu. Il était allé à un spectacle de. Comment il s'appelle? Dans Bon Jovi à un moment donné pour rire de ça ou quoi. Oui. Ça, c'est excellent pour Mitty Poupon. Il avait dit à John Bon Jovi, parce que le chanteur du groupe Bon Jovi, il s'appelle John Bon Jovi. Jean Bon Jovi, comme on dit. Jean Bon Jovi. Puis il venait de devenir acteur principal d'une pièce de théâtre sur Dracula, puis Triumph lui dit « Finally, a role that requires you to suck. » ouais, ça se traduit difficilement en français. La blague se traduit pas vraiment en français. Non, mais c'est tu en peux gros, pas traduire ça vraiment. Parce que « être poche » en anglais, c'est sucer dans le fond. Fait que tu sais, un vampire suce du sang. Bon, bref. Donc, c'était pas du tout pour parler de non, Triumph. Mais en fait, drôle. C'était une introduction qui a duré trop longtemps. C'est que, bon... probablement qu'à ce moment-ci, cinq jours plus tard, à peu près tout le monde a vu circuler la photo, ce qui en fait, on voit deux photos. 2009 et 2017, ouais. Ouais, le nombre de gens qui étaient présents à l'inauguration. Ils appellent ça inauguration, ce que nous autres on appelle la sermentation en général. Vendredi dernier, dans le fond, en gros, devant la Maison Blanche, il y a un immense parc. Puis ben, les gens se rassemblent là pour assister à la sermentation de Donald Trump, le président. Sur ses deux bibles. Mais ça met la main sur deux bibles, puis là, ils ont un serment le présidentiel à dire, dans le fond. Donc, ils prêtent serment. Fait que là, les gens vont assister à ça, puis là, tu vois la photo à gauche, c'est en 2009. Là, Quand Obama a été. Quand Obama a été assermenté la première fois, c'était plein de monde. C'était le premier président noir, fait que je suis pas sûr c'est que c'était vraiment... Il faisait beau cette journée-là, c'était la température était de leur bord aussi pour qu'il y ait du monde, ainsi de suite. Tu vois qu'il y avait à peu près facilement le tiers de la place. 1,5 million qu'il a dit, voyons. Il l'a dit. Check. J'aime beaucoup le memes, par exemple, où tu vois plein d'agents de sécurité qui cherchent à des endroits bien spécifiques et c'est inscrit sur la photo. Nous cherchons encore les 1,5 million de Donald Trump. Il y a eu plein de blagues de fait là-dessus. Ah oui. Il y a une qui avait parce qu'ils ont mis des espèces de panneaux blancs à terre pour pas endommager le gazon avec les bottes des gens. Puis là, il y avait il y avait une blague qui a circulé que c'était tu vois la photo, puis là, tu vois un zoom, tu sais, un petit rond comme quoi on a zoomé dessus, puis c'est pas des panneaux blancs qu'on voit, c'est que c'est du monde habillé en Ku Klux Klan qui sont là. C'est mon gag préféré, genre, ever de cette affaire-là. C'est tellement parfait. Puis je pense que si moindrement le monde me connaisse un peu, savent que je suis pas un grand fan du Trumpster. Normal. Par contre, moi, je vais lui donner qu'on s'en fout un peu le nombre de gens qui étaient là. Ouais. C'est pas important. Ça a été télédiffusé à tour de bras. Tout à maner, c'est quand même prêté un serment. On n'en a rien à faire. Quand c'est rendu que le président doit convaincre son secrétaire de presse, truc, d'aller convaincre la population et les journalistes, alors que le gars, il croit même pas, là, mais c'est sa job de le dire. C'est de ça que j'allais parler, en fait. En fait, le secrétaire de presse de la Maison-Blanche, qui est en fait, nous au Canada, on appellerait ça le porte-parole officiel de la Maison-Blanche, Sean Spicer. Qui est un... Sean l'épicé, qu'on appelle en français. Ouais, ou l'épiceur, en fait, techniquement. Ouais, j'ai pas préparé ce gag-là. Comme bien tes gags. Mais pas la barre trop haute, quand même. Hein? Nous autres, on se plaît dans la médiocrité. Non! Donc, et que t'es fin avec moi. Faut pas trop demander. C'est parce que je t'aime. Merci. Bon. donc, c'est ça. Bon, pour rappeler les faits, Sean Spicer, secrétaire de presse à la Maison-Blanche, la conférence de presse exactement, je me suis préparé, mais pas tant que ça. Je me rappelle plus. C'était exactement quel jour. Si je me rappelle bien... Attends un peu, comment? Le secrétaire de presse qui a parlé à la presse? Oui. C'était, il me semble, le samedi de la marche c'était des femmes. C'était le samedi, hein, c'est ça. Bon, il y avait deux choses, en fait. En fait, sa conférence de presse, c'était un peu pour ouvrir les hostilités avec les médias. Vraiment. Deux choses qu'ils ont parlé. Le premier point, il y avait entièrement raison, c'était vraiment les médias qui étaient dans le champ, c'est que avant, tout de suite après la sermentation, en fait, bon, Donald Trump a ses nouveaux pouvoirs. Là, il a le droit d'aller faire des édits, en fait, c'est des décrets. Des édits, c'est quand c'est un roi. Des ordres exécutifs en anglais. Executive order en anglais. En français, c'est des décrets, dans le fond. C'est vraiment un truc, une décision que lui prend, qui signe le papier. C'est pas besoin de faire confirmer. Comme une genre de loi. Mais c'est une loi tellement spécifique que c'est ça, c'est qu'il va pas passer par le Congrès ou par les contre-pouvoirs. Il le fait direct. Ça va souvent donner des orientations sur ce qu'il veut faire là, rapidement en rentrant en poste. Il a entre autres sorti les États-Unis TPP. Du TPP, oui, c'est ça, du partenariat transpacifique. Il a réactivé le processus de construction du pipeline Keystone XL. L'avortement. Pas le droit d'en parler. Oui. En fait, c'est que les... Ça, c'est vraiment compliqué. D'ailleurs, une de mes sources, c'est le Philippe DeFranco Show de lundi, le 23 février, qui parle un peu de ces choses-là. Puis, il explique la nuance, en fait. C'est que c'est un peu compliqué. C'est que, bon, le gouvernement fédéral américain finance beaucoup d'OBNL un peu partout et un peu partout dans le monde aussi. Des maisons qui accueillent des femmes pour fournir des services d'avortement. Notamment. Un des plus gros organismes comme ça, c'est ce qu'ils appellent Planned Parenthood. C'est un gros organisme aux États-Unis qui est souvent, dans plusieurs États, le dépôt, pas mal le guichet de les avortements. La porte d'entrée, dans le fond. La porte d'entrée. Diriger vers. C'est ça, c'est eux autres qui vont encadrer les femmes qui veulent se faire avorter, dans le fond, les aider dans la démarche. Ce que ça fait, c'est que, en gros, ils appellent ça, c'est la Mexico City Status, une affaire comme ça, là. Ouais, parce que ça a été signé, je crois, à Mexico City, mais ça n'a rien à voir avec Mexico City. C'est ça, c'est juste un truc comme ça. C'est que ça, en fait, ça date des années 80. À toutes les fois que c'est un président, conservateur, républicain qui est au pouvoir, il active cette loi-là. George W. Bush l'avait fait. George W. Obama l'a enlevé. Bush père, dans le fond. Aussi, ouais. C'est ça, ça a fait un off. Bush père l'a fait. Bill Clinton l'a annulé quand que George Bush fils est rentré au pouvoir, il l'a réactivé. Obama l'a annulé, le Trump l'a réactivé. C'est une tradition, en fond. C'est ça, c'est quand c'est un républicain il réallume, quand c'est un démocrate il l'éteint. En gros, ce que ça fait, c'est qu'une OBNL n'a pas le droit de fournir de l'avortement, en gros, puis d'en parler, sous peine de perdre son financement fédéral. Fait que c'est tout le temps un problème, c'est tout le temps compliqué. C'est pas en territoire américain, parce que quand c'est en territoire américain, souvent sont co-financés par l'État. Donc dans ces cas-là, c'est dans le fond, ils considèrent que bon, ben la partie de leur financement qui va à aider les gens en cas de On l'a dit tantôt. Excusez, je cherche mes mots un matin. Je t'aiderais bien si je savais où tu t'en allais. Qui aide, dans le fond, avortement, c'est ça. Quand c'est des cas d'avortement, j'aurais pu l'aider. Je considère que c'est la partie du financement de l'État qui vient de l'État et non du fédéral. Ouais. Fait qu'ils le font quand même. C'est quand c'est des organismes internationaux, mettons, comme d'aide d'un pays du tiers-monde, okay. Tout, que là, ils ont pas le droit de parler de l'avortement comme d'une manière intelligente de planifier sa situation familiale. Ce qu'ils appellent du Planned Parenthood en anglais, mais tu sais, de dire, moi, je suis pas prête à avoir un enfant là, j'aime mieux comme me faire avorter parce que c'est un accident. Est-ce qu'ils peuvent utiliser des euphémismes, genre vider ta fosse sceptique ou. Non, pis c'est un peu dégueu, honnêtement. Ouais, mais là, c'est le premier mieux en tête. Mais le corps, Mathieu, on parle du corps de la femme quand même, là, franchement. C'est sombre. Les deux, c'est sombre à l'intérieur. Les deux, c'est sombre à l'intérieur. T'as-tu de quoi nous avouer, Mathieu? Ça a l'air d'un genre de. En tout cas, c'est Triumph, le The Unsolved Comic Dog qui fait sa gag. On va te le laisser. C'est limite. Donc, ça là-dessus, ce qui est arrivé, en fait, on a chiré un peu, mais c'est quand même des points importants, mais c'est pas nécessairement de ça que je voulais parler. C'est que, Trump, quand il signait ces décrets-là, les médias étaient là parce que c'est, ses premiers actes officiels en tant que premier ministre, président américain. Dégueulasse dans le micro. Mais... quand il a fait ça, en fait, il a dans le bureau ovale, dans le fond, le bureau du président dans la Maison Blanche, qu'on voit tout le temps dans les films puis tout ça, parce que Obama était, puis c'est là, tu descends vraiment au niveau du plus petit commun dénominateur pour spécifier c'est quoi c'est le bureau. Tout le monde qui est au courant. C'est dommage. Est-ce que vous pouvez me nommer le nom du bureau du premier ministre du Canada? Je penserais pas. On l'a vu dans pas mal de monde. Le bureau du premier ministre. C'est bon. Probablement, il y a probablement un nom de personne illustre, la salle Joseph Armand Bombardier. Je sais pas. Vu qu'on est comme une pâle copie des Américains, il faudrait que ce soit genre un cercle. Genre, ouais. Je sais pas. Quelque chose là. Un triangle. Le bureau triangulaire. Une pièce triangulaire. On confirme qu'il est rectangulaire, par contre, mais je sais pas. Puis honnêtement, c'est surtout parce que le bureau ovale, il était dans beaucoup de films, en fait. Là. Fait que c'est juste à cause de ça. Il a été détruit souvent par des effets spéciaux. Ou des extraterrestres. Ce que Sean Spicer disait, c'est qu'il y a des médias qui ont rapporté que dans le bureau ovale, il y a un buste de Martin Luther King Jr., le fameux leader des droits civiques. Pour rappeler, en quelque part, la raison qui est là, c'est pour rappeler un peu d'humilité au président, de se dire, regarde, il y a les mouvements sociaux d'un, puis oublie pas que, on s'entend, les présidents américains, c'est une longue série d'hommes blancs riches. Fait que c'est pour vous rappeler, il y a d'autres. Oubliez pas les gens, les minorités visibles aux États-Unis, ils sont aussi importants. Fait qu'il y a un fort symbolisme de ce buste de Martin Luther King là. Puis il y avait en fait un gars de la sécurité qui était devant, qui le cachait. C'est facile de cacher un buste. Ouais, c'est ça. Il est pas très gros, en fait, d'ailleurs, le buste. Puis on s'entend, les gars de la sécurité, c'est souvent des gorilles. Fait que. En termes de grandeur, là, en termes de taille, tu deviens pas gardien de sécurité de la Maison Blanche si tu pèses 5 points. Quoi? Qu'est-ce que t'as contre les petits agents de sécurité? Ouais, on a plein à l'UQTR. Ils vont te donner un ticket sur ton parking. Ils sont pas gardiens de sécurité de la Maison Blanche. C'est ça. On s'entend que c'est probablement un homme d'une certaine taille et qui cachait le fameux bus. Puis là, il y a eu un média qui cherchait un peu de. Je m'en rappelle même plus c'était qui cherchait un petit peu de la bisbée. Puis qui a dit il a enlevé le bus de Martin Luther King. Check donc avant. Ça, c'est vraiment débutant. Ça, c'est vraiment créer de la polémique pour créer de la polémique. C'est là. Mais c'est ça. Puis là, Sean Spicer, secrétaire de presse à la Maison-Blanche, a dit ça, c'est les médias qui font de la bullshit. C'est pas correct. Puis là, ce qu'il a oublié de dire, c'est que les médias, tout de suite après, quand ils ont fait un petit communiqué rapide pour dire non, c'était un gardien de sécurité qui le cachait, faites vos devoirs. Mais de l'autre côté, ils se sont excusés tout de suite. Faut rappeler aussi qu'il a fait ramener, je sais pas si c'était un buste ou une statue, je crois que c'est une statue de Churchill, je pense, qu'il a ramené dans son bureau ovale. Et Churchill, si je me rappelle bien, était quand même assez raciste. Winston Churchill, c'est ça? Winston Churchill, c'était le premier ministre de la Grande-Bretagne pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ouais, exact. Ça se peut qu'il était un petit peu raciste, ses bords, mais c'est quand même pas mal le héros de la résistance contre les nazis. Mais il est pas connu comme étant raciste? Non? Il est reconnu comme ayant une grande gueule, surtout pour un politicien de son calibre, puis tout, puis pour un sir qui vient d'une grande famille de la noblesse, puis tout ça. Il était un peu malengueulé. En fait, il était pas malengueulé, il était très baveux. Il était surtout misogyne, en fait. Ah, c'est ça! Peut-être plus. Parce que j'ai lu des articles, ça n'a pas dit. Je pense à ça. Il était reconnu pour être un peu misogyne. D'accord. Ce qui a du sens pour Trump. Ouais. Tant mieux. Si on s'entend, on parle de Donald Trump. Donc, c'est ça. Fait que le bout, ou ce que, par contre, ce qui a beaucoup plus fait parler Sean Spicer, c'est que il a essayé. Sean Spicer, la deuxième partie, puis la plus grosse partie de sa conférence de presse. De sa tirade, ça a été de. Puis là, on va le dire direct, de bullshitter à propos du nombre de gens qui étaient présents à l'inauguration de Donald Trump. De littéralement, et c'est, je crois, le New York Times qui l'a dit en couverture pour la première fois, le mot mensonge pour l'administration Trump. Il a menti à la presse. Oui, parce que il y avait 5 arguments basés sur des chiffres. Il disait notamment le nombre de gens qui avaient pris le métro cette journée-là. Le chiffre était faux. Ouais. Ils ont cherché pour voir si les chiffres étaient vrais. Il a commencé en disant que les estimés de foule, ça veut rien dire parce que c'est impossible à savoir. En faisant des pour ensuite faire un estimé de foule lui-même en disant il y a tant de gens qui rentrent de telle place à telle place, il y a tant de gens qui rentrent de telle place à telle place. Ce qui était drôle aussi, c'est qu'il a dit genre, faut pas se fier aux estimés de foule, donc faites la même chose et ne vous fiez pas aux estimés pour la marche des femmes. Mais la marche des femmes a clairement eu beaucoup de monde. Ouais, puis même là, puis c'est en fait le bon, ça c'est un de ses arguments. Tous ces arguments, en fait, ça revenait tout à ça, c'est qu'il sortait des chiffres, puis les chiffres, c'était des chiffres vérifiables qui sortaient, ben à part le truc des estimations qui était juste comme se contredire lui-même. Mais on vérifiait les estimations, étaient faciles, les chiffres qui sortaient étaient faciles à vérifier, puis c'était tout faux. Ouais. Il y a une autre chose qu'il avait dit aussi, c'était à propos des les fameux panneaux blancs que je disais qui avaient été mis par terre pour protéger le gazon du parc. Il disait que c'était la première fois puis que ça faisait une espèce d'illusion d'optique comme quoi on avait l'impression qu'il y avait moins de monde. C'était faux. Aux deux inaugurations d'Obama, il y en avait mis. Ouais. D'ailleurs, Obama, c'était la première fois. Mm-hmm. Dont la fameuse photo qui a l'air d'avoir une tonne de gens de plus qu'on a comparé avec ça. C'est que les gens cachent la toile tellement qu'il y a du monde. C'est ça. T'sais? C'est exactement ça. On va souligner d'ailleurs que c'est un solide non-sujet. On s'entend qu'on en a rien à battre. Même, tu sais, je veux dire, il y avait visiblement beaucoup moins de gens à l'inauguration de Trump qu'à la première d'Obama. Mais c'est lui, certain. Trump, par contre, il dit, vu de où j'étais, il y avait full de monde. Ben oui, allô. C'est sûr, il était sur la tribune présidentielle, il était face à tout le monde. Ça faisait une illusion d'optique. D'ailleurs, il y a je ne sais plus quel journal américain qui fait ça à cette heure. Il appelle ça une méga picture. C'est que c'est beaucoup de photos qui sont ensuite photoshopées ensemble pour faire une immense photo, mais avec une résolution tellement élevée, vu que c'est beaucoup de c'est une centaine de photos à résolution déjà très élevée, ce qui donne que tu peux zoomer très très creux, tu peux aller voir quasiment la face des gens sur puis la photo, si on l'agrandit, ça fait un mur au complet de l'université. Comme dirait le rédacteur en chef sur le campus, ils ont demandé la permission de chaque jeune même pour pouvoir zoomer dessus. Que pas sûr que t'as le droit. Ouais, ben, tu sais, c'est un endroit public. Fait que t'as le droit de photographier le monde dans les endroits publics. Mais bref, Trump, tout ça pour dire que c'est lui qui parlait qu'il avait des très grosses mains quand on l'accusait d'avoir des petites mains. C'est ça. Fait que le d'ailleurs, gars, il est pour pas... revenir à mon introduction trop longue du début, Triumph de Comic Insult Dog avait une espèce de petit carnet de poche tout petit, là, tu sais, un 4 pouces un 3 pouces par 4 pouces. Puis il disait avec une croix dessus, puis il disait aux gens regardez, ça, c'est une copie taille réelle de la Bible sur laquelle Donald Trump met sa main. Regardez comment votre main a l'air grosse quand vous la mettez dessus. Ah, c'est drôle. Mais ouais. Donc, c'est ça. C'est un solide non-sujet. Puis ça l'a fait choquer les gens que, premièrement, qu'ils discutent de ça. Deuxièmement, qu'ils bullshit. Et évidemment, comme ça, à propos de ce sujet-là. Et à la première conférence de presse. C'est fait pas tout de suite, là. À la première conférence de presse. As-tu vu que Trump a chialé sur le fait qu'il était mal habillé? Non, mais là, voyons donc. Je te jure, j'ai pas vu ça. C'est sorti, je pense, hier. Trump a dit à une de ses aides, le gars, Sean Spicer, il a pas des habits genre foncés, quelque chose, genre. Puis ben, genre, hier, il est arrivé en conférence de presse en habit foncé, Sean Spicer. Ben, il y avait un habit. Le samedi, il y avait un habit, genre, c'était comme. Ben, c'était comme, comment dire, un genre si de. Si je me rappelle bien, je l'ai écouté comme trois fois la vidéo hier. Il y avait un veston, me semble il y avait un veston foncé. C'est peut-être pas celle de samedi, noir. C'est peut-être celle de lundi. Il y avait une, ouais, c'est ça, ça ouais, se peut. Sûrement. Parce que samedi, mais la date t'importe pas. Moi, c'est celle de samedi que j'ai vue, puis me semble qu'il était habillé, il y avait un complet noir avec il y avait une chemise comme bleu poudre, me semble. Mais le but de ce que je dis, c'est que Trump a parlé contre les vêtements de son propre relationniste. On s'entend, Trump s'est fait connaître publiquement à l'origine parce que c'est lui qui organisait les concours Miss Monde, ces affaires-là. Vous entendez que l'apparence c'est important pour lui. Moi, oui, c'est pas évident quand on regarde la couleur de peau. C'est pour ça qu'il est orange, mais oui. Ouais, c'est ça. Mais en fait, comme je disais, ça n'en est pas fini là. C'est que là, les médias, bon, premièrement, les médias américains ont pris ça comme une déclaration de guerre. D'ailleurs, plusieurs chroniqueurs ont fait, ben, ça prenait peut-être ça pour que les médias américains se déniaisent. Puis là, il y a CNN, ils ont créé deux nouvelles task force, deux nouvelles équipes de travail, dans le fond, qui vont... Il y en a une que ça va être de fouiller... Que sa seule unique job, là, c'est une équipe, là, c'est une quinzaine de journalistes, que leur seul unique job pour les 4 prochaines années, ça va être de fouiller tous les petits détails de tous les collaborateurs de Donald Trump, tous les gens proches de lui, fact-checking. Pour trouver absolument toutes les petites cochonneries qu'ils peuvent trouver sur eux autres et les rendre publics. Bah. L'autre équipe, ça va être une équipe de réponse rapide de fact-checking, justement. OK. Leur job, eux autres, c'est à toutes les fois que le président Trump dit quelque chose en public, fait quelque chose. Eux autres, leur job, c'est que quasiment avant qu'il l'ait dit, il peut se dire, dans ce qu'il a dit, il y a ça de faux. C'est parfait. Voici les vrais faits. Il était temps que ça se déniaise. Ben oui. Parce que CNN, ça fait des décennies que c'est de l'infotainment qu'ils font à Star. Tout à fait. C'est du bouchage de trous médiatique. Fait que, il était temps qu'il se déniaise. Ça leur a eu ça de bon. Avec du recul dans 4 ans, quand que la civilisation occidentale va être tombée, on va se dire au moins on avait des bons médias pendant ce temps-là. Justement, ça a commencé hier avec, c'était à NBC News. C'était Chuck Todd qui interviewait... L'animateur de Meet the Press, l'émission de dimanche matin de politique. C'est ça. Qui, dimanche matin, justement, a interviewé Kellyanne Conway, qui est une conseillère de Trump. Pour qui ne connaît pas, je la connaissais pas avant d'entendre parler de cette vidéo-là. Pour vrai. Parce que ça aussi, c'est devenu un peu viral ce qu'elle a dit, mais je vais l'introduire avant. Okay. Kellyanne Conway, qui est-ce? C'est une femme qui étudie en sciences politiques et en droit. Elle a un master en droit, en fait. Elle a principalement gagné sa vie à faire des sondages. Mm-hmm. Particulièrement des sondages de « on va vous dire ce que vous voulez entendre mm-hmm. ». Parce que c'était souvent avec des politiciens, puis c'était des sondages que les politiciens pouvaient brandir. Récemment avec Ted Cruz. Entre autres. Mm-hmm. Elle a été c'est une grande supporter de Ted Cruz jusqu'à temps qu'il débarque de la course. Elle était anti-Trump aussi. Elle était anti-Trump pendant un certain temps. Il était pas apte à présider, je crois. Mais comme on va le voir, c'est quelqu'un qui n'a pas de problème à changer son fusil d'épaule. En fait, qui n'a pas de problème avec les trucs qui ne... Bref, je vais en venir au vif du sujet. Ah ouais, c'est bon, faut vraiment faut madame, ça, c'est en bon. Gros, ce qui arrive, c'est que l'entrevue, c'est Chuck Todd qui lui dit, ben, comment vous justifiez le fait que le président envoie son attaché de presse aller mentir devant les médias comme premier acte du moment qu'il rentre en poste, surtout sur un non-sujet comme ça. Là, elle évite la question, évidemment. Oui. Elle dit, regardez les médias. Elle est très bonne. Attendez-vous à la voir secrétaire de quelque chose aux prochaines... Tout ce qui peut être manigancé ou tourné d'une façon pour avoir l'air positif, a commencé par un tir de barrage contre les médias, en fait, en disant, ben là, écoutez, c'est les médias qui sont pas corrects. Elle ramène l'histoire du bus de... C'est pour ça que j'en ai parlé tantôt, là. D'Access Hollywood avec Grab Them by the Pussy. Non, pas du tout. Le bus de... Martin Luther King. Oui. C'est une preuve que les médias sont de mauvaise foi puis qu'ils sont tous contre Trump. Puis bon, l'affaire habituelle, là, les théories du complot, que tout le monde est contre Trump, même s'il est rendu président, call-in. Ça va passer proche d'être un call-in. J'ai trouvé. Mais Chuck Todd, je le connaissais pas avant, mais honnêtement, très solide. Il se laisse pas démonter. Puis il dit. À part pour sa barbe, il est vraiment cool. Vous n'avez pas. Ouais, c'est vrai que sa barbe est un petit peu louche. Il y a une espèce de gasket. c'est ça, il ne se demande pas, lui dit non, mais vous répondez pas à ma question. Pourquoi il a fait ça? Ouais. Comment on peut faire confiance à ce que le président va nous dire après ça? Puis là, elle va dire je cite, je paraphrase, mais le mot important est là. Elle dit, ben là, les gens sont arrivés avec certains faits, puis Sean Spicer est arrivé avec des faits alternatifs. les fameux alternative facts, si vous l'avez vu passer. Donc, Chuck Todd de répondre, des faits alternatifs, c'est juste des mensonges. C'est ça. There is no such thing as alternative facts. The alternative facts are only falsehoods. Falsehoods, des faussetés. Des faits alternatifs ne sont pas, ça n'existe pas. Des faits alternatifs, c'est des faussetés. Tout à fait. Puis là, elle continue à dire que là, il est pas gentil avec, puis qu'on sait bien qu'il est dans le complot des médias. Si on va changer notre relation peut-être avec NBC News. Oui, elle dit ça aussi d'ailleurs. Ben elle oui. Dit, ben là, tu pars, elle l'accuse de partir la relation du mauvais pied, puis de dire qu'elle-même pourra pas y faire confiance. Ça fait russe pas mal, je trouve, comme ça. Ça fait très. Ben là encore, on va revenir à une blague que Triumph a lâché. Il dit, savez-vous, c'est quoi la différence entre moi et le président Trump? Les gens sont comme, c'est quoi? Dis-moi, les deux, on a une main qui nous rentre dans le derrière. La différence, c'est que moi, c'est pas Poutine qui la tient. C'est une marionnette de chien sur une main. C'est ça. Ah. Fait que, mais ouais, c'est ça. Puis ça, je pense qu'on l'exagère un peu, le fait que Trump est une marionnette de Poutine. Je pense que c'est... Ils sont juste proches. Je pense que c'est pas voulu. Je pense que c'est surtout que Poutine a vu une opportunité d'avoir un politicien qui va être facilement manipulable, en fait. Ouais. Parce qu'il y a le même... Une bonne tribune aussi. Là. C'est ça. En fait, c'est ça. Moi, c'était, si vous vous rappelez, à l'automne, j'avais parlé à Mané d'un livre qui s'était fait aux États-Unis, qui c'est On Bullshit. C'est une étude un peu académique de la philosophie du langage derrière le fait de bullshiter puis les notions de vérité par rapport à ça. On a dit, en fait, un des mots-clés de 2016, c'est l'ère post-factuelle. Je pense qu'on est dedans, on a les deux pieds dedans. Ouais. C'est un cas de ça. Là, on n'est même plus dépassé des faits. C'est « Ah, mais il y a d'autres faits. » Oui, des faits alternatifs. Parce qu'il y a une comme chose... Bernie Sanders est un président américain, genre. C'est ça, le meme sur Internet, c'est Bernie Sanders. C'est un fait alternatif. Moi, comme je vous dis, j'ai un peu... ma recherche de base là-dessus, ça a été, d'ailleurs, qui en parle, il l'explique très bien, quasiment mieux que moi, c'est Philippe DeFranco, un YouTuber un peu connu. Là, qui Et ton obsession, en passant. Ah, moi, je le trouve écœurant, honnêtement. Hein, parce que justement, c'est un des Américains... Un des Américains nuancé. Lui, il prenait ni pour Trump ni pour Clinton aux élections. Fait que souvent, il était très nuancé dans ses propos. Fait que c'était rafraîchissant parce que veut pas, c'est bien beau. T'sais, oui, Trump, il fait peur, là, mais c'est pas le Yab non plus. En tout cas, jusqu'à preuve du contraire. Là. Fait que c'est ça. Pourquoi je disais ça déjà? Pourquoi je parlais de Franco, donc? Je me rappelle honnêtement pas. Je me perds dans mes idées. On a parlé de Poutine et les liens avec Trump. Ouais, mais... Kellyanne Conway, ben c'est ça. En fait, les cinq mensonges de Spicer, lui, les debunk, là. Il montre vraiment, là, un par un. Il dit non, les faits, c'est ça. L'idée, c'est ça, c'est que c'est pas une affaire d'opinion rendue là. Non. C'est des faits observables. Mm-hmm. Quand c'est quelque chose de discutable, discute. Mais quand c'est quelque chose d'objectif, de visible, de... Tu sais, c'est des... Il y a tout le monde, mais il n'y en a pas. Ouais. Ça finit là. Admets-le, puis passe à autre chose, bâtard. Et justement, passe à autre chose, parce que c'était vraiment là un non-débat, puis ils se sont plantés avec ça. Ça a bien commencé, en tout cas. Ça, faut le dire. Mm. Bon début. Ça commence très mal, moi, je trouve. Mm. Mais bon. Ouais, moi, je suis très sarcastique quand je parle. Fait que... Effectivement. Ouais. Pas mal souvent, ouais. Pas mal tout ce que je fais, finalement. Ouais, ouais, ouais. Comme... Fait que, sur ce, moi, ce que je vais vous dire, c'est, ne nous laissons pas abattre. Ça l'a au moins réveillé les médias à peut-être recommencer à être le quatrième pouvoir aux États-Unis. C'est-à-dire un autre contre-pouvoir. C'est-à-dire, quand ils font des trucs, on va savoir si c'est vrai ou non. Donc, restez à l'écoute et on va... bienvenue aux Trumpistan. Oui, absolument. Ah, j'aime ça. Oh, c'est bien dit. Je parlerai de Trump avec toi à chaque semaine, si on voulait. Ça va être probablement au moins une semaine sur deux, j'ai l'impression. Tant mieux. Pour les quatre prochaines années. On a des noms de segments drôles à notre émission. Ouais. Tu sais, l'herbe est toujours plus jaune chez le voisin. C'était le même qu'on appelait ça les présidentielles. Moi, je pense que ça va s'appeler maintenant les chroniques du Trumpistan, un truc comme ça. Mais le gazon est très jaune sur les cheveux de Trump. C'était tout le but de la blague, c'était pendant les présidentielles, puis les primaires, puis... Fait que qu'on avait parti ça, là on disait dans cet ici c'était l'herbe plus jaune chez le cousin français parce que en France sont en élection, sont en présidentielle. Ben, ça c'est plate les présidentielles françaises, je m'excuse. Ouais. Hein. C'est plus un peu plus complexe. Ben, mettons que si c'était pas que ça intéresse vraiment beaucoup mon co-animateur Lucas, j'en parlerai pas. C'est lourd, c'est très lourd. C'est très lourd. Il y a beaucoup de monde. C'est compliqué. Les Français, là, dans la bureaucratie, c'est tout le temps compliqué. Il y a tout le temps un paquet de... C'est un mélange comme avec un système américain de républicain, gauche-droite. En fait, le système... eux autres, c'est vraiment un système républicain. Ouais, démocrate et républicain. L'idée de république, là, c'est bien théorique. Ouais, parce que les États-Unis, c'est une république quand même. Parce que les républicains aux États-Unis, c'est vraiment... C'est un nom pour faire beau. Ils sont pas plus ou moins républicains que les démocrates. En fait, s'il y a de quoi, si on va vraiment en théorie politique, une république, c'est les droits collectifs avant les droits individuels. Mm-hmm. On s'entend que c'est un petit peu contraire à ce que le Parti républicain propose présentement. Ouais. C'est les libertariens et tout ça qui sont des républicains. Les libertariens, c'est exactement le contraire de la République. Mm-hmm. La République, c'est bien collectif. Les États-Unis, c'est une genre de république de jingoïstes, en gros. Oh. C'est beaucoup plus un libéralisme qu'une république. Mais ils ont quand même une espèce de... L'État fédéral se veut une genre de république quand même. C'est un peu flyé. Mais c'est une république d'État, mettons. Au lieu d'être les individus qui sont... En tout cas, c'est un peu compliqué, là. Les États-Unis, en gros, c'est une espèce de gros hybride bizarre, un peu ce que les Français font, puis ce que les Britanniques font, nous okay. autres, on a aussi, puis tout. C'est comme le contraire de ce que je pensais. Nous autres, on est calqués, c'est Britannique, en fait, carrément. Ah. Britannique, eux autres, c'est libéralisme pur et simple, c'est les droits individuels, puis les droits collectifs sont comme déduits des droits individuels. Les États-Unis, c'est droits individuels, mais ils ont une manière de les concevoir qui se rapproche du républicanisme, ils ont des structures qui ressemblent plus au républicanisme français. Fait que c'est un peu compliqué. Puis les Français, c'est du pur et simple républicanisme, qui fait que c'est de manière inhérente compliqué. Eh ben. T'as beaucoup d'institutions, beaucoup de structures. Puis les Français sont bons à recréer des institutions, ce qu'ils devraient pas en avoir. Ah. On parle des primaires du parti de gauche, primaires de droite. T'sais, c'est des choses qui étaient supposées d'être des trucs de facto qui ont été inventés juste depuis une couple d'élections seulement. C'était juste des trucs ad hoc à l'origine, puis ça fait 10 ans que ça se fait à peu près. Pis c'est rendu des grosses institutions, ces primaires-là, pareil comme aux États-Unis, c'est depuis très longtemps. Ouais, en tout cas, bref, ça, c'est dire les Français, ils ont bien des qualités, mais sont bien bons, plus compliqués à vivre aussi. sur ces belles c'était paroles. C'était beaucoup d'informations en même temps. Je vais devoir écouter ça deux, trois fois, ce petit bout-là. Mais bon, merci Sébastien Vigartin. Ben, merci à vous pour l'invitation, comme toujours. Dans une semaine. Bonne chance, là, en partant. Ne ouais, fait pas mal. Je devrais m'en passer, le pire est fait. Moi, c'est mieux que c'était tantôt. Donc, à la semaine prochaine, on parle de mercredi à 7h30 à début d'émission. Oui. Merci beaucoup, Sébastien F. Gertin. Alors, on prend une pause. Au retour, Tania is gonna entertain ya. Merci. Aujourd'hui. Pour plus d'informations, visitez cifou.ca 89.1. Assemblage Rocky pour toi aujourd'hui. Vous êtes à Assemblage Rocky en ce mercredi 25 janvier 2017. Tania Baudin accompagnée de Mathieu Plante. Dans quelques instants, justement, ce sera Tania is gonna entertain you. Mais avant ça, pour rendre hommage à l'hiver et à cette si belle matinée enneigée, voici Chasse pareille et berceuse pour les oiseaux d'hiver. À Assemblage Rocky. T'aurais dû rester dans ton bois chez vous. Montréal craque sous les roues du Bessic. Je vois dégonfler la ville. J'ai mis des pneus à clous. Collé au plafond à cause de la statique. J'monte la garde sur ta chambre à coucher. Tu reviens-tu pour souper? Cœur. Tiens-toi sur le calorifère pour survivre à l'hiver. Tu t'en vas hiberner dans le métro, puis ce sera ta tanière. Tu sais, là, dans le temps, à télé, il y avait des bateaux qui circulaient sur l'eau à télé. Là, puis là, il y avait de la musique qui jouait pendant 2-3 minutes. Là, ça ressemblait à ça. C'est vrai, hein? Ça fait relaxant la fin de la journée. Je sais pas trop quoi. Mais on est là le matin. On est le matin. Berceuse pour les oiseaux d'hiver de chasse pareille à Assemblage Requis. Maintenant, c'est Tania is gonna entertain. Yeah! C'est une petite Tania qui voulait être pro des médias. Fait qu'elle est allée à l'école, et puis maintenant à l'école, c'est Tania! And she's gonna Tania! Oh, t'en as profité pour bailler sur la dernière note? Oui, bon, j'ai bien fait ça. Tu vois, j'ai calculé mon temps. Oui, oui. Un baillement, une note. Un baillement, c'est une beat. Exactement. Voilà. C'est comme une joke, une bière, sauf qu'à la place, c'est un baillement, une note. C'est ça. Je serais bonne, honnêtement, à ça. Un joke, une bière? Non. Non, un baillement. Un baillement, une note. De quoi est-ce qu'on parle aujourd'hui? Bien, comme je vous l'ai dit en début d'émission, hier soir, du côté du 10-12, dans la présentation du Carnaval étudiant, c'était le spectacle Karim Ouellet. Bien à l'UQTR. C'était ça le nom, hein? Non, je sais pas, c'était juste Karim Ouellet. Il n'y avait pas de première partie, si on se souvient, on avait déjà demandé pendant l'émission Palmarès, c'est fou, à notre directeur général, Jean-Philippe Charbonneau. Charbonneau? J'ai dit Charbonneau. Mais c'est parce que là, il va faire ton chèque de paye à Tania Beaudoin, puis ouais, tu n'auras pas de paye. Jean-Philippe Charbonneau! je m'excuse, JP. Voilà, c'est ça, on l'appelle trop JP pour ça. c'est juste pour ça. Donc, je suis arrivée hier soir du côté du 10-12 pensant que le spectacle allait commencer à 9h parce que c'était marqué un petit peu partout, ouais, que ça allait être 21h. En fait, les portes ouvraient à 21h, okay, et il y avait quand même une bonne foulée de gens accompagnés de leur fameux chandail du carnaval étudiant, parce que pour pouvoir rentrer dans la salle de façon totalement gratuite, il fallait bien évidemment le chandail du carnaval étudiant. Ce que les gens ont fait, les gens ont bien répondu à la réponse de ce petit chandail et aussi à la réponse de l'alcool, bien évidemment. Alors, ce qui est très intéressant à savoir, c'est que Karim Ouellet est arrivé vers les alentours de 2h30, 15h hier en après-midi pour commencer à faire justement les tests de son, monter le stage, tout ça. Et il a, lui et ses musiciens, croisé des gens qui festoyaient pour le carnaval, ouais, c'est-à-dire qu'ils étaient déjà dans un état d'ébriété assez avancé. Et ces mêmes personnes se sont retrouvées au spectacle le soir même, mais on leur a posé la question, en fait, s'ils étaient toujours en train de boire, et la réponse était oui. Alors, Karim Ouellet était quand même très impressionné du fait que les gens à l'UQTR sont capables de durer comme 8 heures, toujours en buvant de façon assez excessive et en criant des choses plutôt bizarres. Ils sont tous fait retirer la vésicule biliaire. Non, c'est juste pas. Donc, de ce côté-là, c'était le fun pour l'atmosphère. Les gens étaient là, justement. Et on le sait, durant le carnaval étudiant, on dirait que les gens sont toujours plus contents. Les assos sont toujours plus présentes un petit peu que dans les parties habituelles. Mais quand même, somme toute, c'était un excellent spectacle. Karim Ouellet, pour ceux qui ne le connaissent pas, là, parce que j'ai bien beau vous dire que Karim Ouellet était en spectacle à l'UQTR, mais peut-être que vous avez aucune idée. C'est peut-être votre première fois à écouter C'est fou ce matin. Si c'est le cas, bonjour. Exactement. Parce que Karim Ouellet joue depuis genre 6 ans, je crois, 5-6 ans. Mais c'est un auteur, compositeur, interprète québécois, mais d'origine sénégalaise, pour ceux qui ne le savaient pas. Et on a une petite biographie, je vais y aller quand même assez vite fait, bien fait. Donc en 84, il est né et il a été adopté par des parents québécois, dont un père diplomate. Hein? Et il est entré ici au Canada dans ces années-là, c'est-à-dire 84. Et il a jonglé un petit peu entre le Canada, le Sénégal, le Rwanda, la Tunisie, avant de s'installer justement bien formellement événements dans la ville de Québec en 2002. Et en 2007, il a fait partie d'un projet qui s'appelait 5x5. Il a participé grâce à ça aux Francofolies de La Rochelle et la Francoville en 2008. C'était à Bordeaux et il a collaboré notamment au groupe CEA et il a fait partie du collectif Mauvaise herbe, voilà, exactement. Et son premier album a été lancé en 2011. Ça s'appelait Plume. J'ai dit il y a 6 ans, c'est exactement il y a 6 ans. À vous, hein? Topé quand même. T'es très fort. Merci. Par la suite, son second album est sorti en 2012. Ça s'appelait Fox. Et en 2016, le 11 mars 2016, on a lancé le troisième qui s'appelait 30. Vous l'aurez deviné, c'est parce que... il y avait 30 ans. Ah! Donc, on a pu avoir plusieurs pièces qui jouaient dans ces trois albums-là. Bien évidemment, il y en a qui sont plus connus que d'autres. Et il y a beaucoup de gens qui étaient très, très contents aussi d'en découvrir de nouvelles parce que Karim Ouellet, on le dit, auteur, compositeur, interprète. Donc, c'est souvent des gens qui vont pas se régénérer, mais qui vont quand même faire de nouvelles chansons assez rapidement. Et on les présente souvent dans nos spectacles comme celui qu'il y avait hier. Donc, de ce côté-là, on a pu montrer des nouvelles pièces aux gens qui étaient dans la place, ce qui était très, très cool. Je vais t'avouer que pour la plupart, on pensait peut-être recevoir dans le public un petit peu plus de chansons qu'on connaissait déjà. Je pense entre autres à L'amour est un monstre, qui est une chanson qu'on a faite avec les gars de Valère. On a fait jouer hier au Palmarès. On a fait jouer, exactement. On parle aussi de Karim et le loup, Rien ne sert de courir. Ce sont des pièces qui n'ont pas joué hier dans le spectacle, qu'on s'attendait quand même à pouvoir entendre, mais somme toute, c'était un excellent spectacle et je viens de parler des gars de Valère. Il y avait le trompettiste et le saxophoniste de Valère qui étaient là, qui accompagnaient Karim Ouellet sur le stage. Ça donnait une superbe ambiance. Je sais que c'est tout en eux qui jouent bien souvent de ces instruments-là sur les pièces de Karim Ouellet. Les gars de Valère et Karim Ouellet sont des gars qui sont tissés serrés. Ça se tient souvent ensemble. Ça écrit beaucoup de collaborations ensemble. Donc hier, quand j'ai vu les deux... le saxophoniste et le trompettiste. Je me suis dit, hey, les gars de Valère sont là, mais non, il y avait seulement le trompettiste et le saxophoniste qu'on trouvait quand même assez anodin. Et on s'est dit que c'est peut-être pour ça, justement, qu'on n'a pas voulu jouer L'amour est un monstre, parce que tous les gars de Valère n'étaient pas nécessairement là. Il y en avait seulement deux. Il a fallu une piste préenregistrée pour la faire. Exactement, mais vraiment, c'était un très beau spectacle. Les gens ont apprécié, mais... Côté température, ça l'a joué un petit peu contre nous de ce côté-là. Ouais. C'était pas plein comme on aurait espéré que ça soit plein. Comme ça aurait dû être, en fait. Comme ça aurait dû être, parce qu'on s'entend que Karim Ouellet, c'est un gars qui est rempli de talent. Mon Snapchat est bourré de vidéos du show d'hier. Fait que je peux aller le voir, finalement, le show. Cool. C'était vraiment beau. C'était des beaux moments. On a eu le droit, justement, à des pièces qui étaient très festives. On a eu le droit aussi à des pièces qui étaient beaucoup plus sentimentales, des pièces qu'on connaissait de Karim Ouellet du temps de son premier album, qui était Plume. Donc, de ce côté-là, on en a eu vraiment pour tous les goûts côté musical et c'est ça qui était le fun. Voilà. Cool! J'espère qu'on va pouvoir revoir Karim Ouellet dans une température qui va être meilleure pour que les gens puissent venir festoyer avec nous. Ça serait cool, un show de la rentrée. Ben, on l'avait eu avec Valère il y a quelques temps. C'était-tu le featured? C'était vraiment Valère qui était featured. Il était invité, là, ça pourrait être le contre. Hein? Oui. Ouais. Et vous aussi, Corias, si je me souviens bien, d'Adobe's. C'est vrai. Ces gens-là, là. Mais il y avait eu beaucoup de gens qui étaient venus. Ça, c'était fort. C'était très, très le fun. Lundi, on a eu un spectacle d'humour aussi au 10-12. Catherine Levac et un de ses compagnons qui sont venus faire un petit tour ici à l'UQTR. Semblerait qu'il y a eu beaucoup de tac au tac et qu'il y a eu beaucoup de réparties du côté des humoristes, ce qui était très, très cool. Mais ce que je veux vous parler aujourd'hui, c'est un article sur lequel je suis tombée sur le merveilleux site que Mathieu et moi aiment tant lors des palmarès C'est fou pour dire plein de niaiseries. C'est narcity.com, Montréal, bien évidemment. Mais aujourd'hui, je vous parle des humoristes montréalais. Surtout ceux de la relève, parce qu'on en entend un de plus en plus parler grâce aux médias sociaux, aux réseaux sociaux, mais surtout parce que aussi on semble les voir beaucoup plus que ceux qui sont préétablis, comme exemple les Louis-José Hood, François Bellefeuille, tout ça. Parce qu'eux, on les a tellement vus par le passé, puis ils n'ont pas changé, je veux dire, des nouveaux sur la scène... C'est comme faux, ça. Exactement. On leur donne aussi de l'espace. On leur donne du temps d'antenne, que ce soit à la radio, que ce soit à la tous télévision. Tous les talk shows ont tout le temps. Je pense c'est à même... SNL, exactement. Mm-hmm. Donc, de ce côté-là, on les aime, nos gens, nos humoristes de la relève. Mais on veut surtout arriver à les suivre sur les médias sociaux pour avoir une petite dose d'humour par jour. Donc, j'ai pour vous, en fait, des gens que vous devriez, selon le site narcity.com, absolument suivre sur vos réseaux sociaux si vous voulez rire. Le premier, c'est Dave Morgan. Et si vous le cherchez, que ce soit sur surtout Snapchat, pour voir et rire avec lui, eh bien, ça va être @ Capitaine Dave. Ah, OK. OK, ça, c'est sur Snapchat. C'est un des humoristes que vous allez voir un petit peu partout dans les soirées d'humour à Montréal présentement. Il a vraiment très hâte d'arriver à l'événement Donner rend léger. Ça se passe à la fin du mois. Et c'est clair que vous allez vouloir voir toutes ces stories apparemment à chaque jour si vous aimez beaucoup être diverti. C'est un gars qui poste beaucoup sur Snapchat. Et souvent, les humoristes de la relève se servent de ces réseaux sociaux-là justement pour pouvoir faire parler d'eux, mais surtout essayer des nouveaux gags. Donc, si jamais vous aimez ça, regardez un petit peu là, les Snapchat stories de tout le monde, là. Les histoires Snapchat, si je les mets en bon québécois, c'est bien évidemment tout ce que les gens vont vouloir poster à n'importe qui qui se retrouve dans leur Snapchat. En public et non pas à leur contact. Exactement. C'est comme ça que vous allez pouvoir voir qu'est-ce qui se passe avec Dave Morgan. Le deuxième, c'est l'Internet. Mais là, attention. Oh, je les aime tellement. Pas l'Internet, L-I-N-T-E-R-N-E-T. Exactement. C'est L-Y-N-T-E-R-N-A-I-T. Ça, c'est de l'absurde et c'est pas pour tout le monde. Je vous avertis tout de suite. J'ai essayé de le faire connaître à des gens. J'ai posté des trucs d'eux sur Facebook et il y a bien du monde qui comprennent pas du tout ce que c'est. C'est mental. L'absurde. Très mental. C'est de l'absurde. Faut se mettre le cerveau un petit peu sur une autre perpendiculaire à votre cerveau, dans une autre traque. Tout à fait. On parle d'une page Facebook qui fait rire beaucoup de gens avec les publications qui sont très, très actives, mais on est extrêmement actifs aussi sur l'application Snapchat présentement. Okay. Et ça a le potentiel d'être une des choses les plus drôles de votre journée si vous aimez l'absurde, bien évidemment. Oui, c'est le cas, j'adore. Alors, allez faire un tour pour voir l'Internet. Tu sais, si vous avez vu des fois à des parties d'Halloween, quelqu'un avec un masque de Marc Labrèche, avec une face bien, bien spécifique de Marc Labrèche, ça vient de l'Internet. C'est tout le temps posté... Il remplace la tête de Marc Labrèche pour tout le monde. C'est vrai. Ça, c'est vraiment très drôle. Un des humoristes de la relève qu'on commence à avoir un petit peu partout aussi, sans nécessairement penser seulement à Kat Levac, c'est son meilleur ami, Jay du Temple. Ben oui. Je sais pas si toi, tu connais Jay du Temple, mais moi, je le suis sur Facebook. Aussi. Un gars hilarant. Il connaît beaucoup de gens qui sont déjà dans le domaine. On travaille aussi avec Vrac TV beaucoup. On est maintenant sur Like Moi. On fait partie du nouveau code G, qui est le code... F, mais pour gars, là, vous l'aurez deviné. J'ai hâte de voir cette émission-là. Je sais qu'il y a quelques épisodes qui sont déjà sortis. Ouais, exactement. Ouais. Dedans, il y a Pierre-Luc Funk, Phil Roy. Écoute, ils sont tous là et Jay du Temple se retrouve parmi eux, bien évidemment. En plus, il y a le petit look là, qu'on aime, là, ou que la plupart des filles... Ouais, c'est ça. Un man bun puis une grosse barbe. Là. Que la plupart des filles aiment. C'est-à-dire qu'il y a les cheveux pas mal plus longs que moi et le poil du visage beaucoup plus long que moi aussi. Donc, c'est le contraire de toi. Oui, c'est totalement le contraire les de moi. Contraires satire. Et ce qui est le fun, c'est que Jay du Temple, non seulement il est actif sur Snapchat, il est actif sur Facebook, mais il est aussi sur Urbania. Il écrit, il a une belle collaboration avec Urbania et c'est le genre de gars qu'on aime un petit peu apprécier à cause de son côté féminin très développé. C'est le genre de gars que genre ta mère va aimer. Là, ouais, exactement. C'est ça. Parce qu'il a été élevé par deux sœurs. Ah. Il y avait juste des filles autour de lui. Puis il dit lui-même, écoute, il connaît toutes les gags d'Harry Potter, il connaît toutes les répliques d'Harry Potter, il a regardé Titanic beaucoup trop de fois. Tu sais, c'est le genre que tu aimes apprécier parce que tu sais justement que ta mère aimerait ça que tu le reçoives à Noël. C'est un bon gars. C'est ça, c'est juste un bon gars. Drôle. Puis, ça fit bien avec son personnage humoristique, justement. Alors oui, vous voulez le voir dans chaque soirée d'humour auquel vous allez aller dans le coin de Montréal. Et vous voulez pas manquer son spectacle en septembre qui va être au Club Soda. Ça va être super actif. Il va y avoir beaucoup de gens, apparemment. On a déjà vendu un bon nombre de billets. Il part aussi en mini-tournée un petit peu partout au Québec. Il était censé venir à la salle, à la défunte salle Le Satyre. On sait pas si ça va être relocalisé encore. Triste. On est vraiment triste, mais moi, je veux quand même voir Jay du Temple. Pourquoi Jay du Temple, il va pas au Temple? Puis après ça, il pourrait amener son frère, Jimmy du Manchester. Mais moi, j'aimerais ça que Jay du Temple se produise genre à la Chasse-Galerie. Ouais, j'avoue. Ça serait mon gueule. J'avoue. Hey, wow. Ben, les gros mots. OK, ça serait vraiment cool. Ouais. Ça serait vraiment un show nice. Musical, c'est cool, mais un show d'humour, c'est très, très aussi cool. Fait qu'il n'y a pas le show de carnaval qu'on peut avoir des shows d'humour. Exactement. Avec Puis, on voyait souvent les gens dire « Ah, moi, j'aime ça, aller voir un show de musique, justement, c'est vraiment diversifiant. » Mais on a ce côté-là qui commence à être de plus en plus développé chez les Québécois, qui est de vouloir, justement, aller voir des humoristes et de rire avec eux. Donc, de ce côté-là, on adore ça. Le prochain, c'est Frank Grenier. Ah, en passant, Jay Dustorm, si vous voulez le chercher sur Snapchat, c'est pas très très compliqué, c'est @JDustorm. C'est quand même un nom assez, mettons qu'il n'y a pas grand monde qui s'appelle JDustorm. Exactement, mais vous y allez J-A-Y. Alors que Frank Stomp. Grenier, là, il y en a beaucoup des Frank. OK, oui, parce qu'en plus, son nom Snapchat, c'est pas ça. Non. C'est @FrankTopHouse. OK, bon, hein. Écoute, c'est comme les Messenger dans le temps, là. Ouais. Tu sais, petite fleur, 92, barre en bas, mon petit chat. Est-ce que c'est la vraie? Non! Ah, oh, ça aurait été drôle! Ça aurait été vraiment drôle. Non, moi, c'est juste mon nom. Ouais, ben, avec c'est un Y. C'est plate de même. T'as un Y à Tania, fait que... Exactement. Mon père voulait pas que j'utilise des niaiseries de petites fleurs puis de petits chats, fait que... Pis pas de 69, hey boy! C'est... Attends qu'il te donne des tractionnés avant de passer. Donc, son Snapchat démontre son quotidien quand même qui est très humoristique, vous l'aurez deviné, parce que c'est un humoriste de la relève. Puis on s'entend qu'un quotidien d'humoriste, c'est pas plate pantoute. Ben, ça va être automatiquement assez rigolo, merci. Donc vous voulez le suivre sur Snapchat parce qu'il va rendre vos journées un petit peu plus gay. Funny. Pas, c'est ça, funny, merci. Je voulais pas offenser personne. Le prochain, non, c'est... Non, sauf les Mongols, hein? Quand même. Le prochain, c'est Anthony Montreuil. Lui aussi, son nom sur Snapchat, c'est pas Anthony Montreuil, c'est @MikeDallas, avec un petit trait d'union entre les deux, sachez-le. La barre en bas ou le trait d'union? Un barre en bas, hein? Non, c'est un trait d'union. Trait d'union, ouais. Trait d'union, ouais. Sur Snapchat, on accepte les traits d'union. C'est bien rare. On parle d'un humour absurde aussi, donc peut-être que toi, tu l'aimerais beaucoup, Mathieu. Ouais. Je sais que c'est ton genre d'humour. C'est un humoriste absurde et il n'a pas peur d'oser sur beaucoup d'aspects, sur beaucoup de sujets aussi. Donc, pour faire rire un maximum de gens sur les réseaux sociaux, on va vraiment aborder plusieurs sujets diversifiés. Et certainement, c'est un des gars à découvrir sur Snapchat. Et en passant... demandez-nous pas pourquoi son nom c'est Mike Dallas, on le sait pas. C'est pas de vos affaires. On va probablement même pas lui demander non plus, à moins que vous ayez envie de lui envoyer un Snapchat qui lui demande. Peut-être vous allez avoir une réponse. Mais son nom c'est Anthony Montreuil et son Snapchat c'est Mike Dallas. Voilà, allez le suivre sur Snapchat. C'est fait. Mathieu, tu dois bien évidemment connaître Mehdi Boussaïdan. Eh bien oui, il y a encore un autre qui est partout à Vrac TV. Partout à Vrac TV, un petit peu partout aussi à Télé-Québec. Présentement, Télé-Québec, on y va sur la plateforme humoristique de plus en plus, ce qui est cool. On le voit aussi à Radio-Canada depuis quelques temps. Mehdi Boussaïdan, on l'a connu un petit peu plus comme acteur que comme humoriste à la base, mais c'est celui qu'on voit autant à la télévision que sur scène, que devant un micro de stand-up comique, justement. Et on veut pas manquer une occasion pour qu'il puisse nous faire rire. Et c'est pourquoi on veut le suivre sur Snapchat. Il y a une petite attitude de fendant, mais on aime bien ça. Une petite attitude de fendant. Il est drôle. Il a sa propre... C'est lui qui joue dans Med, bien évidemment, à Vrac, si jamais vous écoutez Vrac. J'ai jamais écouté l'émission. Non? Jamais au grand, jamais. J'ai juste vu les publicités. Et déjà avec les gags... Je trouvais ça drôle. Je me roulais à terre. Je sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques temps, ça fait quand même... quelques mois. Je vous avais parlé d'une web-série qui avait sorti avec, justement, Mehdi Boussaïdan, Adib Al-Khaldé. Il jouait là-dedans et ses gags étaient... C'est tordant, ça, cette histoire. Comment tu te rappelles pas du nom, hein? C'était pas Kawarta? Oui, genre, c'était des syllabes. C'est café, mais en... Arabe? Ouais, ça veut dire... Ouais, quelque chose comme ça. C'est le mot café, mais en arabe. Bref. En tout cas, la web série est excellente. On n'en fait plus présentement. Ils ont arrêté les épisodes. Ça a brisé mon cœur pendant quelques semaines, je dois vous avouer. Mais c'est correct parce que je vais probablement aller suivre Mehdi Boussaïdan sur Snapchat pour pouvoir rire un bon coup à tous les jours. Et lui aussi va vous montrer, bien évidemment, son quotidien. Vous allez peut-être probablement voir aussi certains décors de Vrac TV parce que son quotidien fait beaucoup bouger à la télévision. Et ça va être pour le meilleur et pour le pire. Ouais. Sachez-le. Le prochain, c'est Alexandre Bissaillon. Lui non plus, son @Snapchat, c'est pas son nom complet. Attention, sortez vos calepins, vos papiers pour bien noter ça. C'est @Notorious_Biz. Notorious Biz. Ouais. Ouais. C'est... C'est, ouais, ben ouais. C'est comme la petite adresse Messenger. Facile. de 98. Vous l'avez tous retenu. C'est ça. On l'a vu beaucoup dans des soirées d'humour, que ce soit à Québec, que ce soit à Montréal. On a passé par plusieurs régions aussi cet été et son quotidien va vous faire rire autant que ses anecdotes qu'ils vont vous raconter. Donc, ça va être beaucoup plus, ça sera pas nécessairement de l'absurde, ça va vraiment être du vécu, du réel, un petit peu comme plusieurs des humoristes. Et on va y aller avec ses stories qui vont certainement upgrader votre Snapchat parce qu'on va parler d'un côté très, très, très divertissant pour Alexandre Bisaillon. Moi, il a fait le comédie. Ah, j'ai vu quelques sketchs de lui. Je vous dirais que c'est pas mon genre d'humoriste à moi. Ça arrive. J'aime quand même les anecdotes racontées puis tout ça, mais j'aime pas ce qui a l'air quand même assez poussé. Mm-hmm. Si vous êtes du genre à dire « ça, c'est complètement stupide », bien, vous allez probablement aimer Alexandre Bisaillon parce que c'est de l'humour léger. Léger, mais qui est quand même très divertissant. Donc, vous allez pouvoir vous en faire votre propre opinion, bien évidemment, en regardant ces Snapchat stories. Super. Avant de continuer avec un autre, c'était Post-Kawa, les capsules qu'on cherchait. Post-Kawa. K-A-H-W-A. C'est vrai. Voilà. On le retiendra pas, c'est pas un petit peu pour tenir ça. Non, t'as... J'ai cherché Adil Alcalidé Mehdi sur YouTube, c'était le premier résultat. Si ça vous intéresse de faire la même chose, c'est vous vrai. Le trouvez. Hein? C'est vrai. Je vais terminer avec celui-là parce que c'est pas nécessairement un humoriste, mais c'est un bonus dans l'article. Et on l'a présenté comme étant le bonus parce que dans la section « Ils ne sont pas humoristes de profession, mais vachement très drôles », on retrouve Corias. Ah, eh bien. OK, oui. Alors, si jamais vous voulez suivre Corias sur Snapchat, sachez-le, c'est pas Corias non plus. C'est @coriandre. C'est drôle. C'est quand, cute. Avoue, c'est quand même très drôle. Et il est le coup de cœur du mois de la personne qui a écrit l'article sur Nige City, du côté humoristique, bien évidemment, parce qu'on sait que Corias, c'est un rapper. Mmh. C'est aussi un activiste. Oui, exactement. C'est aussi un auteur-compositeur. Mmh. Donc, de ce côté-là, on s'attend pas nécessairement à ce qu'il soit drôle, tu sais, ou on s'attend pas nécessairement à ce qu'il fasse des gags ou quoi que ce soit. Mais on pouvait pas s'empêcher de le mettre dans cette liste-là parce qu'en plus d'être bon en show, il va assurément vous divertir dans chacune de ses stories. Apparemment, c'est un gars qui est un bout en train, qui va vraiment faire rire les gens qui sont autour de lui, mais aussi les gens qui vont se retrouver sur son Snapchat. Donc, du moins, il fait partie de ceux qui nous font beaucoup rire sur Snapchat et ça fait partie de ceux qui pourraient aussi être calculés comme étant dans la relève à un certain point pour Corias. Voilà. Génial. Tu mets tout ça sur Facebook? OK, oui. Ça serait fine. Merci, je vais vous mettre la liste au complet parce que je vous ai pas nommé les 12 comptes Snapchat. Là. Okay, ça aurait été... Cool. Quand même long. Donc, l'article de Narcity sur Facebook, Assemblage Requis. Oui. Merci, Tania. Fait plaisir. Tous les jours, Assemblage Requis, on fait Tania is gonna entertain ya. Étant donné qu'on a parlé de Karim Ouellet en début de chronique, hier, on a découvert une pièce vraiment cool au Palmarès. Okay, ouais. Karim et le loup. Donc, on la réécoute tout de suite. Karim et le loup de Karim Ouellet. Tout de suite à Assemblage Requis. Je t'écris ceci au bord du gouffre. On dit qu'on en sort plus fort quand on souffre. Ton ami, tu sais, sur nos blessures. Témoin me soit le ciel. Quelle aventure, quelle aventure, quelle aventure. Créature à travers et à tort. On n'est jamais sûr de son sort. De tous nos délires, quel est le pire? Tout va finir, le temps de le dire, le temps de le dire. Dans la gueule du loup, comme l'homme. L'homme est un loup pour l'homme. L'homme est un loup pour l'homme. L'homme est un loup pour nous. Sommes dans la gueule du loup. Comme l'homme est un loup pour l'homme. L'homme est un loup pour l'homme. L'homme est un loup pour nous. Sommes dans la gueule du loup. Comme l'homme est un loup pour l'homme. L'homme est un loup pour l'homme. L'homme est un loup pour nous. Sommes dans la gueule du loup. Comme l'homme est un loup pour l'homme. L'homme est un loup pour l'homme. L'homme est un loup pour nous. Karim Leloup de Karim Ouellet à Assemblage Rocky. Oui, Mathieu, si tu me permets, j'ai oublié de faire un petit gag. En fait, je dois faire une mention spéciale. Tout à l'heure, Sébastien nous parlait de Donald Trump, ouais. Mais il y a sa femme aussi, qui a un nom assez compliqué pour certains. Il y a des gens qui ne sont pas nécessairement capables de bien prononcer son nom. On sait, elle n'est pas américaine. Je pense qu'elle est russe, si je me souviens bien. Du moins, elle ne vient pas d'ici. Alors, il y a des gens qui disent Mélinia, Mélanie... Mélanka, peut-être. Mélanka. Donc, pour bien savoir dire son nom, ma mère, Sylvie Lafleur, je lui donne tout le brevet de cette joke complètement. On attend vraiment que ça en vienne. On la sent. Là. Elle est mieux d'être bonne. Elle était vraiment drôle, du moins, avec un verre de vin hier soir sur la display. Je vais essayer de la faire comme elle l'a fait. Alors, elle fait dire que si jamais vous avez de la difficulté à prononcer le nom de la femme de Donald Trump, il faut simplement y aller avec la fameuse formule magique d'Harry Potter, Melania Trump. Je lui avais juré que j'avais... Bravo. J'applaudis ça. Donc, au lieu d'être We're Guardian Leviosa, Melania Trump. C'est fou. Assemblage qui pour toi aujourd'hui. Assemblage Rocky, alors ce mercredi 25 janvier 2017, avec Tania Baudin. Et Mathieu Plante. Dans quelques instants, on va se faire les instructions d'assemblage avant de recevoir notre ami Alfalfa le lutin. Mais avant ça, c'est le moment de voir ce qui se passe partout sur le campus universitaire. Ah, t'es-tu en train de me dire qu'on va aller écouter l'info campus? Ben oui, y a pas juste le carnaval en vie. Mais là, non, là. Mais... Voici maintenant l'info campus, présenté par le journal Zone Campus. Le 1er février, de 11h à 16h, se tiendra l'événement Stage emploi à l'Atrium CEU et au Hall Gilles Boulet de l'UQTR. Organisé par le service aux étudiants, Stage emploi accueillera de nombreuses entreprises sur place. L'activité est destinée aux étudiants en administration, en ingénierie et en informatique. Le service aux étudiants de l'UQTR organise un atelier sur la gestion du stress. L'activité aura lieu le 2 février entre 12h30 et 15h au local 2054 Pavillon Ringuet. Les inscriptions se font à partir du site du service de psychologie de l'UQTR, section atelier de groupe, inscription. C'est gratuit et les places sont limitées. Vous avez toujours rêvé d'animer une émission à la radio? La station CIFOU 89.1 FM est à la recherche d'animateurs bénévoles. Peu importe votre expérience ou vos sujets d'intérêt, n'hésitez pas à soumettre votre projet à progcifou@commercialuqtr.ca. Aussi, une formation est offerte aux recrues. Toutes nos félicitations à l'équipe de hockey des Patriotes qui a remporté le prix Équipe par excellence lors du plus récent gala Sport Hommage Mauricie. Mentionnons également la nomination de l'attaquant Guillaume Asselin dans la catégorie Athlète masculin par excellence de niveau canadien, sport collectif. Félicitations également à Olivier Larouche, étudiant en administration. Olivier s'est classé dans le meilleur tiers lors du Red Bull Crash Test à Marseille les 13 et 14 janvier derniers. En terminant, toute l'équipe du groupe des médias étudiants de l'UQTR souhaite aux participants un joyeux carnaval étudiant. C'était votre capsule Info Campus. Pour d'autres nouvelles, lisez Zone Campus et visitez zonecampus.ca. C'est l'Info Campus, bien sûr, lu par David Ferron. Lu par Tania Baudin. Oui, exactement. Écrit par David Ferron. Oui. Du journal Zone Campus, le rédacteur en chef. T'as bien compris. J'ai pourtant la même chose tous les matins. Nouvelle capsule tous les lundis. On la joue à 6h30, vers les 8h30, 9h, vers les midis et vers les 18h tous les jours, du lundi au jeudi. Vendredi des fois, peut-être. Exactement. Bref, horaire, ça se casse à la donne. Oh. Il joue pas mal. Bon. Bref, avant de continuer avec d'autres choses, on a encore un petit peu de temps pour parler du carnaval qui a commencé lundi. C'est le troisième jour. Contrairement à Donald Trump, qui n'a pas travaillé les samedis et dimanches, son premier jour, c'est lundi pour lui. Allô, t'es rendu président c'est des ça. États-Unis. T'as pas de guerre, t'as pas fait de semaine. T'as juste plus de congé. Il rejoue au golf plus tard. C'est ça. Bref, on est mercredi et donc ce troisième jour comprend plein de choses. Le défi S3, le cours de danse, le frisbee, Longway et Pau, buffet, happening des pats, beer fest et rallye nocturne. Allons-y dans l'ordre en commençant avec le défi S3 qui débute à 10h. Bien sûr, sans oublier le café Bailey's qui commence là. Oui, exactement. Donc, tu y vas ou j'y vais? Défi S3, vas-y donc. OK. Bon, ben, on va commencer avec le défi S3. Ça se passe à la Chasse-Galerie aujourd'hui de 10h à 11h. Il doit y avoir 8 participants par association pour ceux qui veulent participer et ça a une valeur de 100 points si jamais vous voulez aller vous inscrire. Donc, c'est quelle association qui est la plus rapide? C'est ce qu'on va voir lors de la course à relais. Vous devez former une équipe composée de 8 personnes qui va devoir réussir plusieurs épreuves dans le meilleur temps possible. Un défi supplémentaire va se rajouter. Vous aurez à avoir dans vos mains un boc, comme un boc de bière, là, mais rempli d'eau ce matin, on ne va pas avec de l'alcool, que vous devriez tenir par la poignée. Votre but va être d'atteindre la ligne d'arrivée avec le plus d'eau possible dans le boc. S'il y a interdiction de bloquer l'ouverture du boc. Il va y avoir aussi des glissades, des courses attachées avec un coéquipier, des sprints. Tout ça, c'est au rendez-vous et c'est bien évidemment commandité par S3. Barrez pas le dessus de votre boc. Là. Attendez que la neige descende dans votre boc, ça va vous faire plus d'eau. Oh, c'est vrai. Oui. Ensuite, c'est le Footloose, le cours de danse à 11h. On connaît tous le film Footloose, en tout cas, on a moins entendu parler. Le style de danse dans le Footloose, c'est le jive. Et deux spécialistes sont prêts à te faire part de leur savoir afin que tu puisses te transformer toi-même en Kevin Bacon, Tania. Ah, Kevin oui. Bacon. Ou pour les vegans, c'est... du mock bacon. Sois hors la loi, monte le son de ta musique et prépare-toi à te déhancher pour gagner un maximum de points pour ton assaut. C'est la cour de danse à 11h au CAPS de l'UQTR. Après ça, il y a le frisbee ultime. Oh que oui, ça se passe de 13h à 15h. C'est sur l'aire des Patriotes. Donc, si je me souviens bien, c'est près du CAPS. Derrière le CAPS, là, les terrains. Exactement. C'est 5 participants par assaut, valeur de 100 points. Et vous allez penser fermement que... Est-ce que vous avez déjà pensé, en fait, que vous étiez un chien dans une vie antérieure et chaque fois que vous voyez un frisbee, votre cœur commence à battre plus vite? Eh bien, est-ce que vous aimez vous passer physiquement? Vous n'allez pas avoir le choix, en fait, de participer à l'activité frisbee ultime si vous avez répondu oui à une de ces deux questions. Alors que ce soit un athlète affirmé ou un sportif, du dimanche, ils ont hâte de vous y voir. C'est cool de jouer au frisbee. Allez-y, allez faire un tour. Ensuite, c'est le Hungry Hungry Hippo. C'est à 15h au 10-12. Évidemment, le jeu de votre enfance, là. Donc ici, il va falloir former une équipe d'enfer et être prêt à s'étendre sur une planche à roulettes pour parvenir à vaincre les autres en ramassant le plus de balles possible. C'est la même idée que le Hungry Hungry Hippo, le jeu de société, le jeu c'est de table. C'est cool, ça. Mais avec des humains, c'est vraiment cool. Il y a des limites de temps et tout ça. Donc, vous allez devenir aussi compétitif qu'un enfant. C'est à 15h au 10-12. Par la suite, c'est dans la cuisine de Hasten. C'est un buffet. C'est de 17h à 19h. Ça se passe au 10-12. Donc, on fait appel à tous ceux qui ont le rêve de participer à l'émission Les Chefs ou Master Chef. En fait, ça va être temps de dévoiler votre talent pour la gastronomie en faisant goûter aux juges vos fameux brownies ou votre super poulet à l'orange. Et chaque association va avoir la chance de séduire les juges avec deux plats. Donc, il y en a un qui ne doit pas être un dessert. L'autre peut l'être, j'imagine. Et les recettes concoctées ainsi que la présentation de ceux-ci doivent être le plus possible représentées par la thématique de votre association. Ah, gardez ça en tête. C'est un Walking Dead, il va y avoir des morceaux de corps humain. Et surtout, n'oubliez pas que vous devez absolument fournir une liste de tous les ingrédients qui sont utilisés dans vos plats, justement afin de contrôler les allergies. Et l'évaluation va être faite à partir de 18h, donc l'heure qui va va précéder l'évaluation va vous être allouée pour l'installation de vos recettes sur la table de votre association. C'est compliqué, mais ça se fait, hein? Même ouais, avec ouais, les énergies. Ouais, ensuite, ouais. C'est le lancer compte, c'est le nom de cette année pour le Happening des Pats. C'est à 18h30 au Colisée de Trois-Rivières, donc un lieu spécial, un petit peu plus loin que d'habitude, c'est pas sur le campus. Donc, c'est l'équipe des Talentueux Patriotes, bien sûr, qui va affronter l'équipe de McGill pour défendre leur honneur. C'est un match de hockey, tout ce qui est plus traditionnel, mais avec plus de monde. Donc, ta mission va être d'encourager si fort les Verts et Oranges qui ne pourront que gagner le match. Hein? Donc, reposez votre voix d'ici là, amenez tout ce qui fait du bruit et on va crier pour encourager les Patriotes. C'est ce soir, 18h30, Colisée de Trois-Rivières, le happening des Pats, la plus grosse activité, je pense, de l'année pour eux. Oui, exactement. Excuse. Je reçois des messages du Pôle Nord en même temps que je te parle. Faut savoir suivre quand même. Donc, oui, par la suite, c'est le Beer Fest. Ça se passe de 22h à 3h. Vous l'aurez deviné encore une fois au 10-12. C'est 4 participants par association. Et le Beer Fest, c'est un classique du carnaval étudiant. C'est pour vous jouer un mauvais tour. En fait, c'est l'heure de montrer vos skills dans un tournoi pour ceux qui veulent gagner. Alors, si vous êtes du style imbattable au Beer que vous avez jamais perdu ou vous êtes encore du style mon chest est la perfection pour le chest pong parce que c'est quelque chose qui existe ou encore mon bac en ingénierie me sert à calculer la formule mathématique pour flipper le cup à la perfection. Vous aurez deviné beer pong, chest pong et flip the cup. Ça fait partie de votre vocabulaire tout ça, ça vous dit quelque chose, vous y jouez beaucoup trop souvent. Eh bien ce soir au 10-12, ça va être possible de le faire pour justement gagner des points pour votre association. À 22h. Le mercredi, c'est la soirée qui ne termine jamais. Tu sais, le lundi, t'as le show d'humour, ça finit à un moment donné. Après c'est ça, t'as le show de musique, ça finit à un moment donné. Mais le mercredi soir ne se termine jamais parce que c'est le rallye de nuit qu'on appelle cette année le rallye du Romano Fafard. C'est de 21h30 à 7h du matin, donc de mercredi à jeudi matin. C'est incroyablement long. Bref, vous avez 4 membres d'équipage, comme dans le Romano Fafard. Vous allez voyager aux confins du Québec, là où la main de l'homme n'a jamais mis le pied. On dit que le chauffeur doit être sobre en tout temps. Donc, il y a une personne dans le groupe qui ne boira pas. Et vous allez faire le rallye de place en place à tout plein d'endroits qui ne sont pas dans le guide. Donc, je ne peux pas vous les lire, mais il y a plein d'endroits que vous allez devoir visiter et rapporter des vidéos, par exemple, des passagers de voiture faisant du karaoké sur 10 chansons différentes. C'est un point, 10 points bonus que vous allez pouvoir recevoir. Prendre une photo, c'est classique avec le Cowboy de Trois-Rivières, avec une preuve de la date pour un autre 10 points. Il faut accomplir, évidemment, toutes les épreuves, 3 à 5 points par épreuve réussie. Grosse nuit pour les carnavaleux. Oh que oui. Voilà. Il fallait retrouver les informations qu'on vient de vous mentionner sur la page Facebook Carnaval. C'est Carnaval étudiant. Oui. Un petit peu. Carnaval étudiant UQTR. Hey, je viens de perdre comme toi les petites photos sur Facebook quand c'est tu fais de la recherche. Ouais, tu sais, quand tu faisais une recherche avant, t'avais une photo à côté. Ça me fâche. Ça vient de partir. C'est la première fois. C'est très triste. Fâché. Et mon cœur est brisé depuis. J'espère que ça va revenir. Mon cœur ne se brise pas souvent, mais là. Quand ça arrive sur un méchant temps. Hein? Bref, voilà pour le carnaval. Salutations, hein? Non, soyez. À qui? Non, je disais des niaiseries. OK. J'ai dit tantôt qu'on allait faire les instructions d'assemblage. Ça va probablement s'en venir parce que Alfalfa le lutin va seulement faire sa chronique par téléphone dans quelques instants. On t'a informé de tout ça. Je croyais que le message du Pôle Nord m'était arrivé simplement par moi. Ah, le gars, il a été TDAH. Je dois envoyer ça à tout le monde par face, par fax, par message texte, par Facebook. C'est ça. C'est son genre. Bref, on écoute une pièce. Après ça, on revient avec Alfalfa le lutin. On écoute une pièce dans le palmarès anglophone. Pourquoi pas? Voici Bronco, nouvelle entrée sur Palmarès avec Falling Free tout de suite à Assemblage Rocky sur C'est Fou! Sur 89 FM! We'll be right back. Rookie Bronco dans l'émission Assemblage Rookie ce matin. Ah, qu'on a du fun. Oui. On va continuer d'avoir du fun pour le reste de l'émission, hein, parce que là, on a un invité spécial qui nous rejoint par téléphone. Oui! C'est Alpha le fun de l'été! Ben oui. Comment elle a pas vu que je sorte, ça veut dire que les températures sont mauvaises. Ouais, ben c'est normal, hein. C'est l'hiver. On est en janvier, ça arrive une fois de temps en temps. Mais là, toi, en tant que lutin qui est habitué à un traîneau, là, oui. Tu t'es fait prendre à l'extérieur de ton traîneau ou c'est quoi ton véhicule? Ben, ton moyen de transport? En fait, c'est juste que je suis pris tout court. Ah! T'as des problèmes d'estomac? Oh, oui, je suis malade, je suis malade, là. Il faut que je vienne. Non, ben, on veut pas être affecté par tout ça. Mais bref, donc, t'es pris à l'extérieur du studio, tu peux pas te rendre jusqu'à nous, mais on a quand même... Ben, peut-être dans le courant de la journée, mais pour le moment, le Père Noël veut vraiment pas qu'on sorte, là. Ah, OK. Ah, c'est le Père Noël qui t'a donné l'instruction de pas sortir? Oui. Mais non, il veut pas prendre tout. C'est comme un directeur d'école, est-ce qu'il est sévère? Il est sévère, là, il tient nos vies, là. Ah, il vous tient au lit? Hein? Non, il tient à nos vies. Ah, ouais. Ah, OK. Faut faire attention. Est-ce qu'il utilise le fouet juste sur les rênes? Ah, oh, ben là, ça, c'est à sa discrétion. Mathieu fait aller ses fantasmes de Noël. Ah, c'est Tania qui l'a mimé. Mais je sais pas ce que Mère Noël dit, là. Ah, non, mais c'est mais ça. Peut-être que t'as rien entendu. Ada, t'as rien entendu de venir d'une pièce à côté. Non, mais moi, je suis loin, hein. Je l'ai déjà dit, ça. Moi, c'est vrai. On n'a pas tout retenu ce que tu nous as dit. Tu n'habites pas dans la même maison, c'est pas comme un couvent? Non, l'usine. Le Père Noël a comme son usine puis sa maison, puis les lutins, on est au village. On n'est pas à l'usine. Mais non, mais j'ai un petit jeu de party cette semaine. Ah ouais? Oui. Un jeu, là. C'est un jeu, dans le fond. Est-ce qu'il y a un tarabotinat dans la salle? Est-ce qu'il y en a qui connaissent la boulette? La boulette, non? La boulette. Hé, j'ai vu ce jeu-là dans un magasin récemment. J'ai lu la boîte au grand complet et je peux te jurer que je me souviens absolument pas de ce que j'ai lu. Wow. Donc, dans le fond, la boulette, c'est un jeu qui a été inventé et qui s'est formé en temps. Mais là, Time of Party vient de sortir. Là, je vous explique. C'est Time's Up qui est un jeu super facile. On a une pile de cartes avec des noms. Exemple, Garou, Frankenstein, Alfalfa. Parce que moi, je suis dans ce jeu-là. Là, ouais, c'est trop cool. Là. Non, c'est pas vrai. Je suis pas dans le jeu. Oh. Donc là, on a trois étapes. Donc, on est en équipe de deux. Donc, exemple, moi et Tania, on sera ensemble. Et Mathieu, tu seras avec ton micro. Et merci. Je suis très proche de ton micro. Le but, on a trois fois à faire deviner les mots. Première fois que je vais deviner Garou, j'ai 10 secondes. En fait, j'ai 30 secondes. Mais je dois une phrase. Okay. Je dois dire le mot. Exemple, il a chanté avec Céline. Il chante... Bon, on dirait Garou. Fait que là, j'en passe un autre. Et le but, c'est d'en passer le plus pour inscrire des points. OK. Parce que là, ça va. Des liens là, avec le nom qui est écrit sur la carte. Okay. Sur la carte. Donc, on fait deviner le personnage. Le plus rapidement, on en fait deviner le plus. Est-ce que je pourrais dire, mettons, genre, le loup vide du campus, mettons? Pour que les gens disent « loup-garou du campus ». Ouais, mais t'as pas à dire les mots qui sont sur la carte. OK, pas les mots sur la carte. Ça fait que pour ça, donc tu dis Twilight, bon, fait que là, ils vont essayer de deviner que c'est les un vampire. Donc, et là, tu dois en faire deviner le plus possible. Ensuite, on fait le tour comme ça, le premier tour, tout le monde en fait deviner le plus possible avec la description. Après ça, avec toutes les cartes qui ont été devinées, parce qu'il faut s'en rappeler. Il faut se rappeler tous les noms. Fait que souvent, on a à peu près les mêmes. Tu as le droit à un seul mot pour faire deviner le plus de cartes. Un seul mot, OK. Oui, donc, exemple, si j'avais Garou, je dis Céline Dion, elle va répondre Garou parce qu'on a dit tantôt qu'elle avait chanté avec Garou. Ouais. Donc, à un seul mot, on va faire deviner le plus possible, toujours dans mon temps déterminé. OK. Et là, la troisième fois, il faut les mimer. Ah! Oh boy! C'est comme un genre de pentathlon olympique de devinette. Mm-hmm. Ben oui, de devinette, sauf que c'est toujours les mêmes, parce que quand on a fait le premier tour, on n'ajoute pas de cartes. Ah, OK, on reste sur les mêmes cartes, c'est bon. On reste sur les mêmes cartes, donc les cartes de tous. Donc, il faut toujours être attentif pour se rappeler ce qui a été dit, parce qu'à un moment donné, ça se peut que tu trouves la game longue, si tu n'as pas écouté les autres, puis là, qu'ils te répondent boule de Noël, là, ça va faire la réponse. Mais tout ça se passe super rapidement parce qu'il y a un timer, c'est ça? Oui, okay. Et voilà. Et tout ça est ajouté au fait que le premier tour, souvent, là, la première partie, t'as pas bu beaucoup, puis plus que les parties avancent, quand t'arrives dans le mime, t'as plus bu d'alcool. C'est ça. Donc là, les mimes sont de plus en plus drôles. De plus en plus obscènes. C'est pas possible pour un public avec... Ça dépend, si tu mimes Garou, si tu as joué de l'amour avec Garou, tu sais comment mimer, c'est correct, là. Il est poilu du chess. Oh, ouais, j'imagine. Il a l'air d'un coq. Ah, okay. Ben, les garous, c'est tout poilu du chess. Les loups-garous, c'est poilu du chess. Ah. Non, mais on va le dire. On va là. Se le dire. On se cachera pas les affaires. Okay. Là, ouais. C'est ça. Puis ça, comme dirait un humoriste québécois, Laurent Paquin, Gino, ça vient du poil. Ça vient. C'est vrai, Gino vient avec du poil. Et un peu de calvitie. C'est pour ça que Gino Chouinard, il est comme out un petit peu avec son nom. Là. Non, c'est pas mal choisi. Ouais, c'est vraiment pas correct. Mais non, mais c'est ça. Fait que c'est le petit jeu de la semaine. C'est un jeu cool. qui ont autour d'une vingtaine de dollars. C'est facile à jouer quand même. T'as pas besoin de te creuser la tête. Mais non, puis c'est sûr qu'il y a un kit aussi là, avec cette version-là. Ce jeu-là fait une version kit pour les enfants aussi. Donc, c'est sûr que le party est un petit peu plus... Il y a le family aussi pour la famille, mais il y a vraiment le comme enfant qu'on peut jouer. Donc, tu as des ensembles, comme tu dis, pour enfants, pour famille, pour normal. Est-ce que tu as des expansions que tu peux ajouter à ces jeux-là aussi? C'est sûr que plus que tu vas faire de jeux, plus tu vas connaître les personnages. Donc, j'imagine que dans l'avenir, ils vont soit sortir une nouvelle version, soit acheter des cartes. Est-ce que tu pourrais utiliser les cartes de kids dans l'édition familiale ou le contraire? Ben, c'est sûr que si tu veux faire des pandas puis des singes, je te le dois, là. Oui, c'est ça. Mais je trouve ça plus drôle de faire Frankenstein ou faire la Corivo ou faire des choses comme ça, là, moi. Ah, est-ce que tu as des références québécoises? Pas mal? Ben oui, c'est quand même un jeu qui est très, très québécoisisé. Parce que, comme ici, il y a réellement le garou, il y a... Ah, c'est des vrais exemples! Oui, ça, c'est juste parce que t'es un fan de Garou en tant que lutin. Là. J'imagine que les références québécoises... Plus, hein. Non, mais c'est en plus. Ah, ben, quand... Non, c'est vraiment, il y a vraiment des références québécoises assez impressionnantes dans ce jeu-là. Cool. Et tu disais tantôt qu'on pouvait boire avec ça. Est-ce que, tu sais, d'habitude, je te demande une fois, est-ce que tu nous conseillerais quelque chose à boire? Est-ce que tu dirais, bon, vous devriez tous boire, je sais pas, du fort sur ce jeu-là pour rendre ça plus hard? Mais non! Je vais être franc avec vous, j'ai pas vraiment d'âge de parler, le Père Noël m'appelle, là. Caroline, excuse-moi, c'est ma faute. Non, mais c'est pas que je veux pas, là, mais moi, je dirais que toutes sortes d'alcool, ça provient au jeu parce que c'est un jeu rapide. Du punch, dans le fond, fais-le un punch. Ah, regarde, faites un punch sans alcool, les gens vont en boire, puis oubliez la bouteille en arrière, puis échappez-la dans vos verres. Non, mais un petit peu de rhum, là, dans le punch, ça va faire du bien. Ouh! Et voilà. Hey, merci beaucoup, Alfalfa. Je m'excuse d'avoir pris autant de temps. Bonne fin de journée. Bonne journée à toi aussi. On se retrouve en studio la semaine prochaine, j'espère. Je le souhaite fortement. Alfalfa, le lutin, en direct du Pôle Nord. Merci. Oui. Au revoir. Bye. Bye. Et maintenant, on peut sortir de notre canne de thon et revenir avec une voix normale. C'est le fun. C'est le fun. Mettons, tu sais, gars, je fais juste ça comme ça. Tu vois, puis là, ma voix devient de même, puis après, ça redevient de même. C'est comme. C'est comme des effets. Tu sais, si on faisait un beatbox, là, mettons. Ouais. Attends, je vais le repartir. Ah, ça a accroché. C'est malheureux. Attends un peu, si je fais ça et ça, est-ce que... Oui, nos voix restent de même, mais ça raccroche pas le téléphone. Si je fais ça de même, non, puis ça... Non, plus non rien. Plus. Oh, non, non, non, pas ouais, faire les en même plus, temps. Le... On est limité techniquement dans cette machine-là. Triste. La pauvre canne de thon, on voulait l'exploiter le plus possible. Mais ça sera pas possible aujourd'hui. Donc bref, Alfalfa le lutin qu'on retrouve la semaine prochaine, c'est toujours les mercredis. C'est vers les 9h. Mm-hmm. Alors, on va prendre la pause qu'on est en retard d'une petite dizaine de minutes, mais c'est pas trop grave. Au retour, pour vrai, là c'est vrai, les instructions d'assemblage, restez avec nous. Aujourd'hui. Pour plus d'informations sur la programmation, visitez cfou.ca. 89.1. Vous êtes assez fou. Assemblage qui pour toi aujourd'hui. C'est Assemblage Rocky qui se poursuit pour encore une vingtaine de minutes environ. On est le mercredi 25 janvier 2017. Elle est Tania Baudin. Et Mathieu Plante. Je t'ai donné comme 30 secondes là, pour que tu puisses danser le plus possible. Je me réveille. La foule, en délire en studio, c'est le fun. Donc, il nous reste assez de temps pour faire une dernière chronique. Oui. Comme ça, je trouve que j'ai de moins en moins de temps pour faire des chroniques de ces temps-ci. C'est vrai, hein? Le pire, c'est que ce matin, je me suis dit, écoute... Je pourrais donner mon temps de chronique à Mathieu. Mais tu pourrais te faire, une fois de temps en temps, genre, la laisser tomber et avoir plus de... Tu vas pouvoir avoir des chroniques de pré-préparées. Ce matin, j'ai fortement... Tu peux faire ça quand tu veux. Ce matin, j'ai fortement pensé... Pas de point, tu sais. Oh! Mais, écoute, on a bravé la tempête. Voilà. On a sorti la voiture de l'entrée et... j'y suis arrivée. Et mais à un certain moment, j'ai fait « Oh, fuck off, je le laisse là ». Mais pour vrai, c'est la première année où vraiment, après, avec une tempête comme ça, tout le monde s'est présenté quand même. Donc, merci à Sébastien Gartin, merci à Alpha Lutin qui, quand même, qui a fait ça par téléphone. Et Tania, donc vraiment, tout le monde est vraiment cool. Pas que les années passées, c'était pas cool, mais on avait beaucoup plus d'absence lors de tempêtes les années passées. C'est vrai. Bref, ça pour dire qu'on a le temps pour apprendre à mieux vivre. Mm-hmm. Tu sais, il n'y a pas juste comment acheter des Traction Aid avant qu'il y ait une tempête, hein, Tania? C'est vrai. Hein? C'est vrai. C'est les instructions d'assemblage. Saint-Valentin, c'est un bon cadeau, ça, à offrir. Nous vous remercions d'avoir acheté le machin. La poursuite de ces instructions vous conduira à son assemblage. Étape 1. Prenez d'abord le bidule et l'insérez tout au fond du tige numéro 2. Retournez ensuite la tournevis numéro 24 contre vous. Prenez quelques vis numéro 77 et boulinez ou charpente numéro 39. Serrez ardemment avec la clé numéro 17. Repliez le tige numéro 45A. Ouais, mais ça marche pas. C'est les instructions d'assemblage, la collègue, dans laquelle on s'apprend des conseils pour mieux vivre. Tiens, commençons avec... Est-ce que t'es des fois... Est-ce que tu trouves que t'as une certaine... Ben, je sais que t'as de l'ego. J'ai beaucoup trop d'ego. Est-ce que tu je connais trouves... des gens qui pourraient te le dire. Est-ce que tu trouves arrogante des fois? Hey, je sais pas à quel point c'est bon ou pas bon du tout de savoir que parfois t'es arrogant. Ouais, ben, de le savoir, c'est peut-être bon. De l'être, moins. Je vais te répondre oui. Ouais. Donc, on suggère sur lifehacker.com de baser votre fierté sur vos efforts et non pas sur votre talent naturel pour éviter d'avoir l'air arrogant. Ah, donc, OK, c'est bon, ça. Il y a une mince ligne entre la fierté et l'arrogance. Il y a quelques façons d'éviter d'avoir l'air arrogant. Quand vous jugez votre propre valeur, vous devriez focuser sur l'effort que vous avez fait. C'est l'auteur Jessica Tracy qui écrit dans son livre « Take Pride, Why the Deadliest Sin Holds the Secret to Human Success ». J'imagine que le « deadliest sin », c'est d'être prétentieux. Probablement. Il y a un mot pour ça, là, je me rappelle jamais en français c'est quoi ces mots-là. Mais bon, bref, on peut contrôler votre effort et il y a des raisons positives d'être fier de cet effort-là. Les gens vont plus comprendre que t'es fier d'avoir fait un effort. Ça a pas l'air, tu peux pas avoir l'air fier, là, c'est juste fier d'avoir fait un effort. Mais si t'as pas fait d'effort, mais que t'es fier, pareil. Ben là, ça, c'est de l'arrogance, j'imagine. Non? Si t'as pas fait d'effort et que t'es fier, pareil, là, t'es fendant, là. Ben, t'es pas fendant, t'es fier de toi, mais de façon naturelle. Je sais pas. La ligne est mince. La ligne est mince. Voilà, ça veut pas dire que tu dois pas dire que t'as du talent. Si t'as du talent en chant, t'as pas le choix de. Tu peux pas le cacher, tu vas pas dire genre, oh non, moi je suis pas bon en chant. C'est ça, c'est naturel. Il y en a pour qui c'est naturel. Exactement. Puis ils peuvent le dire. C'est pour ça que la ligne est mince. Ensuite, on a le service Nagbot qui vous envoie des messages textes méchants pour vous aider à tenir vos résolutions ou vos promesses. Tu sais, des fois, là. J'aime ça. C'est ça. Je devrais probablement télécharger. Tu pourrais. Donc, pour créer un Nag dans l'application Nagbot, une application de messages textes, vous entrez votre nom, votre numéro de téléphone et votre but dans le site web de Nagbot. Nagbot.io. Nagbot.io. Et tu demandes aussi à quelle fréquence tu veux que Nagbot t'achale. Hein? Okay. Donc, ça va être super simple. Il y a d'autres applications pour les bonnes habitudes. Par exemple, Streaks, que j'ai déjà essayé, qui est vraiment cool, mais qui coûte, il me semble, de l'argent. Bref, celui-là est un petit peu plus rempli d'attitude et tu peux lui texter stop quand tu veux qu'il arrête de te texter. Hein? Bon. Donc, Nagbot, super simple. Allez l'essayer, nagbot.io. Mm-hmm. Ensuite, quand vous avez... Ça, c'est triste quand vous perdez un animal de compagnie. Non. On connaît tous quelqu'un. Ouais, je sais. C'est pas le fun quand ça arrive, mais lorsque ça arrive. Comme le perdre dans la rue ou le perdre comme. Il quitte la maison et là, tu le recherches. Tu comprends? Donc, on va poster souvent des papiers, des feuilles de papier sur un poteau. Des flyers. Des flyers avec chat perdu et votre numéro de téléphone. On vous suggère de les faire laminer. Ah, bonne idée, pour pas que... Ben oui. C'est ça, parce que ça peut se faire arracher. Bon, ça va se faire arracher même si c'est laminé, mais vous le taquez comme fou sur le poteau. Moins de chances que les intempéries, peut-être, lui nuisent. Donc, c'est sûr, ça va vous coûter de l'argent, mais en même temps, vous avez peut-être plus de chances que le message se rende à la place d'imprimer des centaines de feuilles qui vont partir au vent. Voilà. Ça va empêcher aussi l'encre de couler. Voilà. Aussi, ça dit, si vous voyez un flyer comme ça avec un animal perdu dans votre quartier, vous pourriez prendre une photo avec votre téléphone. Comme ça, si plus tard vous le voyez, vous allez pouvoir matcher. Ah, c'est vrai, et non pas retourner au poteau. Vous aviez vu la pancarte. Ensuite, on vous dit de vous créer, ça c'est bizarre comme façon de le dire, mais un Comfy Couch Fund pour donner à votre budget un petit peu de lousse. Okay. Hein? Donc, votre fonds d'urgence est supposé vous donner une certaine paix d'esprit lorsque les temps sont durs, lorsque vous perdez votre argent... Je sais pas, peut-être un bris de voiture, acheter des Traction Aids, des trucs comme ça. Terrible, arrêtez de parler de mes Traction Aids. Donc, vous aimeriez avoir un petit coussin Oui. Donc, à la place d'avoir un coussin, vous allez avoir un divan. C'est ce que l'article nous dit ici. C'est le site de finances personnelles Mixed Up Money qui nous explique qu'un Comfy Couch Fund, donc littéralement un fonds de coussins confortables, c'est un petit montant d'argent avec lequel vous pouvez jouer et ça va pas détruire votre budget. C'est juste assez pour que vous soyez confortable. Tu sais, dans la vie, mettons, bon, les dépenses, bon, je sais pas, j'ai dépensé beaucoup sur ma carte de crédit, il me reste juste une centaine ou 200 $ pour finir la période de paye, quelque chose comme ça. Je me sens serré. Fait que là, je me dis, ah, je peux pas dépenser. Mais quand ma carte de crédit est presque vide, je me sens pas comme ça. Mais j'ai autant de dépenses. Et les deux fois, je me rends pareil à ma prochaine paye. Mais psychologiquement, t'es plus stressé quand il te reste pas beaucoup d'argent. Quand tu sais que t'as un coussin, t'as pas besoin de le dépenser. Comme là, j'ai de l'argent de lousse, puis je le dépenserai pas plus. Non, je vais avoir autant d'argent pour me rendre en tant que tel. Mais je me sens moins stressé. Donc, additionnez, y a une formule pour ça. Additionnez vos dépenses, dont votre loyer, tout ce qui est utilitaire, là, Internet, téléphone, peu importe, et vous divisez ça par 6. Par 6. OK. Ce qui va vous donner un assez petit chiffre qu'on peut facilement économiser, mettre dans un compte d'économie, et plus important, vous allez pouvoir en reprendre dedans en cas d'urgence. Donc, par exemple, et là, les montants sont assez élevés, mais mettons que vous dépensez 3000 $ par mois, hein, votre fonds de divan confortable ou de fonds coussin va être de 500 $. Donc, 3000 $ divisé par 6, ça fait 500. Et si vous voulez peut-être, je sais pas, faire une sortie, aller au restaurant, un événement, vous allez pouvoir prendre un petit peu d'argent dans votre compte divan, hein, sans détruire votre budget. Okay. C'est vraiment cool. Donc, à chaque mois, vous mettez tout le temps de réserve le 6e de votre salaire. Ah. J'adore le principe. Le 6e. Pensez-y. Tu sais, on dit que son loyer doit être le maximum, le quart de ton salaire. Donc ici, le 6e, c'est encore plus abordable. Ça se fait très bien. Ensuite, ce que les employés trouvent plus important que le salaire, selon Glassdoor. Qu'est-ce que tu penses qui est plus important que le salaire pour les employés? Le bonheur au travail. Le bonheur au travail. Donc, le salaire, c'est important. Une nouvelle recherche de Glassdoor nous révèle que ce qui rend les gens plus heureux à leur travail dépend de leur salaire. Donc, Glassdoor voulait savoir comment les valeurs des employés changeaient avec leur salaire. Quel facteur est-ce qu'ils trouvent plus important et comment est-ce que ça change par rapport à leur salaire? Donc, pour y répondre, on a regardé les données chez Glassdoor, les rapports de salaire et les critiques des compagnies de plus de 600 000 utilisateurs. Ils ont regardé 6 différents facteurs. La culture et les valeurs, ça, c'est un facteur. Mm-hmm. Le senior leadership, donc les patrons. Career opportunities, donc les opportunités d'emploi. Business outlook, donc peut-être avancer dans ton poste. Work-life balance, donc l'équilibre entre le travail et la vie. Et puis, la dernière catégorie, c'est compensation et avantages sociaux. Donc, ils ont utilisé ce qu'on appelle la valeur Shapley. C'est une méthode d'analyse pour voir comment les facteurs changent en général. Donc, on dit que les 6 facteurs, c'est comme une tarte pour prédire la façon de penser des employés. Donc, en général, on nous apprend que la culture et les valeurs, c'est ce qui a le plus donné de satisfaction aux employés. Donc, culture et valeurs de l'entreprise, quand tu as l'impression que tu travailles pour une bonne compagnie. Ouais. Tu sais, si, mettons, tu travailles pour une compagnie qui fait, je sais pas, qui promouvoit la cigarette aux enfants, mettons. Ouais. Tu n'auras pas une bonne valeur. Non, en effet. Donc, tu n'aimeras peut-être pas ça autant. Donc, ça fait 22%. Ensuite, leadership quality était aussi très important. Donc, la qualité des gens qui te signent ton chèque de paye, qui te, dans le fond, tes boss, 21%. Ensuite, opportunité d'emploi est à 18%. Et puis, le reste, dans le fond, était beaucoup moins important. On parle de salaire, d'équilibre entre la vie et le travail. Tout ça, c'est presque rien. Donc, la compensation devient moins importante plus le salaire augmente. Parce que si on rencontre tes besoins, donc t'es capable de vivre correctement, t'es capable d'économiser, t'es capable de payer ce que t'as payé sans vraiment être super dans le luxe, une fois que t'as dépassé cette limite-là d'être confortable, le salaire est de moins en moins important. Donc, c'est les autres critères qui prennent plus de place. Est-ce qu'on se comprend? Mm-hmm. C'est quand même logique. J'aime bien ça. Donc, allez voir le rapport au complet de Glassdoor sur assemblagerequis.com. Ensuite, c'est une application qui s'appelle Don't Leave It. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de quitter la maison en oubliant ton parapluie, en oubliant, je sais pas, ton ordinateur? Mon téléphone. Ouais, ton portefeuille, ça pourrait arriver. Mon portefeuille. Ton Karim Wallet. Karim Wallet. Karim Wallet. Mes tractionnés. Hey! Donc, Don't Leave It. Fallait pas que je la fasse moi-même, là. C'est bien là, hein? T'sais? Hein? Don't Leave It, donc, c'est une application qui vous permet de vous rappeler d'amener vos trucs. Lorsque vous sortez de chez vous, quand vous quittez un périmètre particulier. C'est vraiment cool. Donc, c'est un petit peu bizarre d'avoir besoin d'une application pour se rappeler de prendre tes clés, ton portefeuille, mais ça pourrait être vraiment utile. C'est seulement sur iOS pour l'instant. L'application est gratuite et c'est super, je trouve, utile pour ceux qui ont de la difficulté avec la mémoire. Ça utilise ce qu'on appelle le geofencing. Donc, c'est comme une clôture géographique. Vous allez déterminer dans l'application le rayon autour de votre maison ou d'un endroit particulier. Donc, vous allez avoir la petite punaise sur la carte. Vous allez dire, bon, ben, à 50 mètres, 100 mètres, peu importe, de me rappeler quelque chose. C'est vraiment, ça fonctionne à n'importe quel endroit. Par exemple, quand tu quittes, je sais pas, ça pourrait être quand tu quittes le centre d'achat, ne pas oublier d'aller prendre du gaz, mettons. Ou quand tu quittes la station-service, n'oublie pas de passer à l'épicerie. Des trucs comme ça. Donc, vous allez lui donner vos informations. Voilà. Peut-être ça pourrait être, je sais pas, ça pourrait être, tu sais, quand tu quittes un bar, ou pas oublier de payer. Ah ben oui, clairement. Ça pourrait être ça. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Moi, ça m'est déjà arrivé. C'est un peu malaisant quand ça t'arrive. Surtout quand tu décides de retourner pour aller ça, payer. Ça m'est déjà arrivé. Là, la fille était comme, t'étais où? Ouais. Ah, je suis juste allé fumer. Mais surtout, tu sais, t'es pas la seule à ta table à avoir oublié de payer ta facture. Vous êtes trois, vous êtes partis, mais on vous a texté pour dire « Hey, avez-vous payé? » Et faire comme « Oh non, nous retournons! » Et ouais, c'est ça. Parce que c'est facile de s'en aller, puis après ça, t'auras peut-être jamais de nouvelles parce qu'ils ont pas ton numéro de téléphone. Mais c'est sûr, mais ça c'est ta conscience qui va vraiment... C'est sûr que ça arrive plusieurs fois. Donc, l'application s'appelle Don't Leave It. C'est gratuit, il y a des publicités dedans. Ça coûte 99 cents pour les débarrer. Don't Leave It. Ensuite de ça, c'est comme un petit peu... c'est pour les parents, je dirais, ou pour les gens qui s'occupent d'un enfant. Ouais. C'est pas super beau. Non. Quand même. C'est de prendre des nouilles comme pour la piscine, hein, et les découper en rondelles pour donner des objets. Tu sais, quand vos enfants ou peu importe, les neveux, nièces font des petites constructions et des blocs. Oui. Bloc, bloc, bloc, bloc, ça s'écroule. Ça fait plein de bruit. Bloc, bloc, bloc, bloc, ça s'écroule, ça fait du bruit. Donc, avec les nouilles de piscine découpées en rondelles, ils vont pouvoir faire des petites constructions et ça fera jamais de bruit. C'est aussi simple que ça. Est-ce que c'est sérieux? Ouais, je sais. On enlève tout le fun des blocs. Non, non, non, non, non. Tu gardes le fun des blocs avec les nouilles. Pour faire des constructions, c'est aussi des nouilles. Fun. Ouais, mais l'enfant, des nouilles ou des cubes ou des rondelles en cylindre. Ben, c'est parce que si des enfants voulaient juste empiler des choses une par-dessus l'autre, ils n'utiliseraient pas des blocs, ils utiliseraient des objets comme dans la vie de tous les jours. Il y a sûrement des nouilles cubiques, hein? Ou probablement. Rectangle. Je sais pas. Vous pouvez les couper de différentes épaisseurs pour faire... Ne nous enlevez pas nos Lego. Okay. On continue avec d'autres choses. T'sais, on reste chez les enfants. Je sais pas si t'as vu passer sur Internet la petite girafe. T'avais-tu une phase d'enfant, Mathieu? T'étais... Ah, ben ça me donne des fois. Te sentais-tu près des enfants tout d'un coup? Des fois, je fais un minimum d'effort pour les mettre coller ensemble dans la chronique, mais c'est pas toujours le cas. Bref, t'as peut-être vu passer sur Internet la girafe qui avait de la moisissure à l'intérieur. Ça, là! C'est dégueulasse, hein? C'était vraiment très dégueu. Ouais. Ben ça arrive. C'était Sophie la girafe, la petite girafe en poupée, en plastique. Ouais, en plastique. Bref, c'est possible de les nettoyer de l'intérieur. L'affaire qui était peurante, c'est que vos enfants, ou peu importe dans votre vie, vont des fois baver. Sur le jouet, vont le mettre dans leur bouche et la bave va dans le jouet. Et c'est ça qui crée de la moisissure, tu comprends? C'est pas dangereux, par contre, pour la santé des enfants. Donc, vous pouvez relaxer. Tout va bien. On peut prendre, par contre, différentes façons pour nettoyer. Il y a une petite vidéo sur assemblagerequis.com qui vous montre comment nettoyer l'intérieur et l'extérieur avec un mélange de javelisant et d'eau. Et ensuite, on va boucher le trou avec un peu de colle chaude. Hey, mon Dieu, OK. Mais là, il fera plus quick. C'est un bon point, ça, par contre. Voyons, c'est quoi ces trucs-là? Je gâche l'enfance de tout le monde. Non, mais OK. Ben oui! Hey, le fun dans un jouet de même, c'est qu'il fasse quick-quick ou qu'il puisse faire des bulles dans le bain. Est-ce que t'as vérifié tes sources? Est-ce que Sophie la girafe fait quick-quick? Ou c'est juste du plastique dur? Sophie la girafe, je crois qu'elle est juste dure. Bon, ben tu vois, là tu peux mettre de la... Ah, pas de trou. Là, tu peux mettre de la colle chaude. Faut oui, juger, mais tu peux là. Y mettre de la colle chaude ou... Ah, pas de trou! Sûrement des narines, je sais pas. Je pense que j'ai googlé Sophie moi, je la gâche, girafe pour moi, voir gâche si elle les, je gâche les enfants. Je gâche tu gâches les enfants? Je gâche l'enfance des gens. Toi, tu gâches ma chronique. Mais non, j'essaie de faire... Le rabat-joie de service, hein? Non, de rendre les choses réalistes. D'accord. Mais sinon, vous pouvez aussi acheter des jouets qui vont juste pas avoir de trous, comme t'as dit. C'est comme ça. Ensuite... C'est ça. Ouais. Des fois, est-ce que ça t'arrive d'avoir le syndrome de la page blanche, d'avoir de la difficulté à continuer ton travail? T'es comme pogné, t'as un blocage, quelque chose. Il y a Isaac Asimov qui a un conseil pour changer ça. Isaac Asimov, qui est un écrivain de science-fiction prolifique, qui a trouvé une façon de sortir de ce blocage-là quand t'arrives à un mur, quand tu sais pas comment continuer. Il écrit plus de 500 livres dans sa carrière, Monsieur Asimov, donc il est pas étranger de la productivité ou de se sentir coincé. Michael Chu nous en parle dans le livre, dans la bio... Non, il nous parle de quelque chose dans l'autobiographie de Monsieur Asimov qui s'appelle « It's been a good life ». Donc, à la place de regarder sa feuille blanche devant lui, à la place de passer des jours et des nuits à essayer de se creuser la tête, ce qu'il fait à la place, c'est qu'il laisse son roman complètement de côté. OK. Et il va sur un de ses autres projets, il va écrire, je sais pas, un éditorial, il va écrire un petit essai, il va écrire une histoire courte, peu importe. Il va pas focusser sur son projet, il va travailler sur d'autres choses. Et quand il se tanne de ces autres choses-là, sa tête s'est re-remplie d'idées. Et là, il retourne à son roman puis il écrit. Honnêtement, c'est un très bon truc. Je pense aussi. Faire d'autres choses. Se vider l'esprit de ça. Et puis à un moment donné, quand tu vas arrêter de chercher, ça va se représenter. Ensuite, on parle souvent de cycle du sommeil dans les... Il faut porter attention à son cycle du sommeil et pour pouvoir toujours se réveiller de bonne heure. Tu sais, des fois, la semaine, on se lève, nous deux, à quoi? 6 heures, indépendamment, chacun de son temps. 5h30 ou... Moi, c'est 6h05 d'habitude. 6h40 ce matin. Avec un petit snooze. 6h40, quoi. Bref. J'ai joué sur la limite du temps ce matin. Ouais, hein. Je savais ce qui m'attendait à l'extérieur. Alors... C'est normal. J'essayais de pas y aller. Bravo aux gens qui peuvent arriver à l'heure qu'ils veulent ou plus en retard puis finir plus tard. Nous, il faut qu'on soit là exactement. Bref, si vous avez de la difficulté, la fin de semaine après ça, tu sais, là, moi, ça m'arrive des fois, je me lève à 11h30 midi la fin de semaine parce qu'il faut que je récupère le temps perdu de la semaine. Oui. Bref, il faut. J'ai souvent parlé de la règle des 90 minutes pour faire un cycle de sommeil complet. Oui. Donc, une petite vidéo qui nous montre, c'est la chaîne YouTube Ismonov, ça fit bien avec Asimov de tout à l'heure. Donc, le processus recommence une fois que vous êtes en train de dormir. Et ça se répète à chaque heure et demie. Donc, si vous vous réveillez en plein milieu du cycle, vous allez avoir plus de difficultés à vous réveiller. Vous allez vous sentir moins reposé pour le reste de la journée. Tu comprends? Donc, ton cerveau a besoin d'une petite période vraiment de repos. Et c'est pour ça que lire sur ton téléphone, c'est pas une bonne chose non plus. Non, c'est vrai. Bref, 90 minutes par cycle de sommeil. Mais si t'arrives à... Tu sais, si tu fais pas 90 minutes, mais que tu te sens vraiment très énergisé... Est-ce que c'est juste un problème? Non, mais ça, c'est une bonne chose parce qu'on a parlé hier, je me rappelle qu'on avait fait... C'était une demi-heure, je crois. Ouais, OK, c'est comme une sieste. C'est comme une sieste, un power nap qu'on appelle. OK. Mais 90 minutes, c'est pour le cycle au complet pendant votre nuit. C'est juste, donc, à un moment donné, tu vas avoir un méchant down dans ta journée. Exactement. Donc, c'est de compter les 90 minutes à rebours. Donc, si vous êtes pour vous lever la fin de semaine à, je sais pas, peut-être 8 heures, mettons, mais reculez. Donc, 8 heures, ça fait 6h30, ça fait 5 heures, après ça fait 3h30, après ça fait 1 heure du matin, après ça fait 11h30. Fait que tu peux te coucher à 11h30, à 1 heure du matin, à 3, tu sais, tu comprends? OK. Par tranche de 90 minutes. Faudrait que je calcule comme ça mes heures de sommeil maintenant. En fait, oui, faudrait. OK. Ensuite, est-ce que t'as de la misère? Oui, je vais répondre pour toi à cette question. Est-ce que t'as de la misère à siffler? Non, ça dépend à quelle situation. Ton sifflement est un petit peu strident. Ça dépend lequel, parce que je sais siffler de deux façons différentes. Fais-en quelques-uns, là. Oh! Celui-là? J'ai aussi celui-là. Bon, celui-là est moins dérangeant, je trouve. C'est juste qu'il y en a un que je trouve qui t'a moins l'air d'avoir un cul de poule, là. C'est le visuel de la chose à la Trump, là. Il faut que tu sois belle quand tu siffles, hein, c'est ça? Ben, honnêtement, quand tu siffles comme ça, là... C'est pas très joli. C'est ça. T'as l'impression d'avoir un cul de poule à la place des lèvres. Tandis que quand tu siffles avec le strident... Ça passe inaperçu. C'est comme les ongles sur un tableau. Ouais. Mais bref, tu peux changer, tu peux transformer un couvercle de canne de soupe ou peu importe... En sifflet d'urgence, je te jure. C'est un sifflet de survie qu'on appelle. Donc, c'est dans les bois, peut-être que vous allez pas avoir votre canne de soupe. Y a pas personne qui va t'entendre? Non, mais c'est justement ça, c'est que ça va tellement fort. Vous allez faire un trou dans les deux côtés du couvercle avec un clou ou un objet que vous avez trouvé, peut-être. Vous allez ouvrir le couvercle à environ 30 degrés. Vous allez vider la canne, évidemment? Oui, évidemment. OK. Et vous allez mettre ça dans votre bouche. Vous allez faire un beau saut avec vos lèvres. Vous allez vous couper? Non, parce que tu... Ouais, mais faut que tu fasses attention. Faut que tu sois dans le milieu de la chose. Hey, hein? Ça peut te sauver la vie, mais c'est correct. Tu vas avoir l'air du Joker après. Why is so serious? Donc, il y a une petite vidéo sur assemblagerequis.com qui vous dit comment le faire. On voit la personne prendre de base, un petit garçon, prendre une roche, prendre un clou. Et donc, il va faire le trou dans le... Il va se mettre sur un tronc d'arbre, il va faire son trou. Puis, il va l'écartiller avec l'autre bord de la vis. Puis, il va écartiller le couvercle qui est comme plié en deux, comme en forme de bouche. Et tu vas faire un saut avec le couvercle dans ta bouche et siffler. Attends, je pense qu'on a même l'extrait sonore. Make a tight seal with your lips completely surrounding both holes because all the air must flow through them. C'est pas mieux que moi. Ça sonne comme le sifflet qui était pris dans l'Atlantique avec le Titanic. Mais je me dis que ça, c'est un petit gars, il pourrait se forcer un petit peu. Hey, Rose dans le Titanic, elle sifflait de même et elle était à moins 40 Celsius. As-tu été sauvée? Oui. Bon, ben tu vois. Y a-t-il quelqu'un? Ça a marché. Chiale pas. Est-ce que quelqu'un est vivant? OK, bon. Faites-le pas si ça vous intéresse pas. Ensuite, ça, j'aime vraiment ça, celui-là. Est-ce que t'as de la difficulté des fois à faire le ménage à la maison? De moins en moins. tu t'es rendu correct? Je dois... tu dis « ma... » Non, je prends en considération que parfois, plus qu'avant, il y a des gens qui vont venir chez moi, fait que je le fais plus. J'avoue, moi aussi, c'est là que je passe la balayeuse, surtout. Bref. Mes parents remercient ces personnes. Exactement. Plus tu prends de... Plus t'as de temps pour faire le lavage, plus tu vas prendre de temps. Genre le temps... De le faire. De le faire, ouais, c'est ça, tu vas c'est faire. C'est vrai, par exemple, si je décide de faire mon ménage de fond en comble, watch out. Mais là, ça va prendre toute la soirée, puis tu vas avoir perdu ta soirée. Donc, il y a une autre façon de faire. Moi aussi, je préfère clencher les choses, mais il y a une autre façon de faire, parce que c'est pas tout le monde qui aime ça clencher, OK? Non, c'est vrai. Donc, si vous voulez, peut-être vous voulez vider votre garde-robe, vous voulez rénover votre garde-robe, je sais pas, débarrasser d'anciens vêtements, quelque chose, faire le ménage là-dedans. Donc, vous allez prendre... votre aspirateur, je sais pas, vous allez prendre un sac à poubelle, vous allez prendre une boîte pour vous débarrasser de vos vêtements. Ouais. Et vous allez y aller par tranche d'une demi-heure. OK. Là, on cible pas la perfection, on cible seulement de bien faire le travail. Donc, une demi-heure que vous allez clencher, après ça, on arrête complètement et on continue une autre fois. OK, c'est une bonne idée, j'aime bien. Pour des tâches comme le garde-robe, ça pourrait être faire le ménage du garage au grand complet, ça pourrait être faire le ménage dans, je sais pas, ça peut être n'importe quoi. 30 minutes, on se met un timer, on arrête après, on passe la soirée à se divertir, puis on continue une autre fois. Vous allez moins vous tanner pour des tâches difficiles. OK. C'est ce qu'on dit. C'est sur le site apartmenttherapy.com. Ensuite, et celui-là, je ne le suivrai jamais, on nous dit d'abandonner, de lâcher votre café matinal. Non. Ouais, mais tu vas voir la raison pour laquelle on dit ça. D'abandonner votre café matinal pendant 3 jours pour ramener une certaine appréciation de votre café. C'est vrai, par exemple, parce que parfois, la fin de semaine, je ne vais pas en boire. Ah, moi, j'en bois encore plus la fin de semaine. Là, j'arrive ici le lundi, puis je suis comme... J'avoue que ça goûte bon. Je pourrais essayer ça. Donc, une habitude que vous aimez, de l'abandonner quelques jours pour l'apprécier encore plus, selon le site de conseil Barking Up the Wrong Tree, qui nous explique que même les choses qu'on aime le plus peuvent devenir ennuyantes. Tu sais, comme exemple, je pense que le meilleur exemple pour moi serait les nouveaux sandwichs de la Chasse Galerie. Ah, ça, là, c'est maladif. On les adore, mais depuis le mois de janvier, depuis le 9 janvier, depuis que ça a commencé, on a mangé un sandwich par jour de travail. Toi. J'ai mangé un sandwich par jour de travail. Ouais. Et je l'apprécie encore toujours. T'oublies la petite soupe? En plus d'une soupe. Et les croûtons. Qui a plus de couteau depuis quelque chose. Je comprends. Je sais pas ce qui s'est passé. Mais bref, des fois, peut-être prendre une pause de ça. Peut-être aller manger genre un repas vraiment sous le standard à la cafétéria. À la Sodexo. C'est ça, à la Sosso Dexo, comme je l'appelle. Pour après ça, apprécier encore plus les sandwichs. Ça serait une bonne idée. Bonne idée. Bref, je pense que c'est tout ce qu'il y a à dire là-dessus. Ça pourrait être la télé, ça pourrait être le sec, je sais pas. Quoi? Ensuite. Quand tu vas courir, Tania, des fois, t'as de la misère à peut-être... je sais pas, t'as pas de poche pour commencer. T'as pas de poche? T'es une fille, t'as pas de poche? Ben là, je me... De pantalon, Tania. OK. Hein? Bon. Sur des pantalons de sport féminin, c'est très rare qu'on va avoir des poches, en effet. Mm-hmm. Donc, t'as de la misère à traîner ta clé, t'as de la misère à traîner tes trucs comme ça. Ah, ça m'énerve. C'est pour ça que je... Honnêtement, c'est pour ça que j'ai un tapis roulant. C'est parce que j'ai ça aller courir à l'extérieur, tout a beaucoup trop d'affaires. Tu vois, je me demandais si c'était un vrai problème parce que l'article en parlait, puis j'étais comme j'ai jamais eu ce problème-là. Parce que t'es un gars. Parce que je suis un gars. Sinon, tu pourrais la mettre autour de ton cou. Non, ça te revole dans le face. Ah, c'est ça, tu cours ping, ping, ping. Tu te ramasses comme le Joker encore. Exactement. Avec ton couvercle de canne de soupe puis une clé. Non, on va mettre la clé autour des cordons, des lacets de souliers. C'est une bonne idée. Si vous n'avez pas de poche, évidemment, la clé va tout le temps avoir un trou pour le mettre dans le porte-clés. Donc, vous allez passer votre cordon au travers ou passer votre clé à travers votre cordon. C'est super simple. C'est le YouTuber Dave Hacks qui nous montre comment faire. Alors, en même temps, c'est tellement évident. Mais il fallait y penser, comme on dit. Google Chrome a maintenant une option pour exporter vos mots de passe. Hein? Sur Google Chrome, vous pouvez exporter vos mots de passe pour changer d'ordinateur, par exemple, ceux qui ne veulent pas se synchroniser à un compte Google. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est de l'activer sur chrome://flags. Okay. chrome://flags dans votre furteur. Vous allez chercher mot de passe, importation, exportation du mot de passe. Oui. Et vous allez mettre ça à Enable, activer. Et ensuite, vous allez retourner dans vos paramètres dans la section mots de passe. Ça, c'est menu, paramètres avancés et gérer les mots de passe. Vous allez cliquer sur exporter. Ça va vous faire une petite page CSV, un fichier Excel. Oh. Et c'est super simple parce qu'après ça, vous allez pouvoir utiliser un gestionnaire de mots de passe. On en parle souvent, OnePassword, ouais. LastPass, et importer vos mots de passe dedans. C'est pas merveilleux, ça? Vous n'aurez pas besoin d'aller chercher vos mots de passe partout dans votre boîte de courriel pour pouvoir faire un changement d'ordinateur par la suite. C'est le fun parce que c'est fatigant de devoir aller sur chaque site web un par un puis faire « j'ai oublié mon mot de passe » pour me le faire envoyer par courriel, réactiver, changer mot de passe. Moi, ce qui m'énerve le plus, c'est quand tu veux changer ton mot de passe et il va te dire, OK, là, tu essaies de le changer et ça te dit, vous avez déjà eu ce mot de passe-là par le passé. Puis là, il faut que tu en trouves un nouveau. Je sais. Ça défait, mais c'est pas grave. C'est celui-là, je veux. Laisse-moi l'avoir. Ah, que ça m'énerve, ça. Je comprends que c'est plus sécuritaire, mais j'aime vraiment pas ça. Mathieu, voilà. Apparemment, on fait des Jean-Marc Parent de nous. Oui, je sais, j'arrêtais. Nous avons défoncé l'heure. J'arrêtais, en effet, c'était mon dernier. Ouais. Mais ça, pour dire quand même, les liens sont sur assemblagerequis.com, si ça vous intéresse d'aller voir ça. C'est petit, c'était quoi? C'était une quinzaine. On n'a pas fait tant que ça. Mais non. On a pour... Vraiment pour la fin. Pour la fin, non. On va terminer l'émission là-dessus. C'est ouais. On va terminer l'émission là-dessus. OK. Ouais. On avait un invité, mais... Non. Il est gêné, je pense. Ouais. Mais c'est parce qu'on n'a même pas parlé de la huître. Ouais, j'avoue, l'invité qu'on a en studio va prendre 30 secondes. C'est Xavier McClish de la huître. Et je vous invite fortement à venir lundi. C'est le premier retour des Verts et des Bleus. Donc, oui, on a une pause carnaval. On se voit jeudi, premièrement. Jeudi. Demain. Demain. 15h30. 15h30 au 10-12. C'était à la chaise galerie, finalement, oui. Ça a été changé. À la chaise galerie. Ouais. As-tu vu, hein? T'étais même pas au courant. Écoute, on me renvoie les informations en retard. Ben, apparemment, c'est sur Facebook, tout le monde dit que c'est à la chaise galerie parce que l'année passée, je crois que ça avait été un petit peu moins rempli, la salle. Mais je me rappelle, il y a 2-3 ans, il y avait une foule incroyable. Ça, on avait de la misère à marcher dans 10-12. Mais soyez cette foule incroyable, soyez présents. Ouais. Venez encourager les 4 joueurs de la huître qui s'affronteront. Avec les bacs. Et je me rappelle que Stéphanie Bellil là-dedans, il y a Karine Perron. Il y a Marc-André Fortin. Et il me manque un. Moi aussi, il me manque un. Gabriel? Non. Non, il y a un joueur qui me manque, mais peu importe, c'est quatre joueurs de la huître jouant avec tous les bacs de l'université dans le cadre du carnaval. Et on se revoit, et ça sera pas long, 4 jours plus tard, lundi. Oui. Pour la rentrée 2017 des Verts et des Bleus. Hein, nous, les Bleus, ça va faire quasiment 2 mois qu'on n'a pas joué. Oui. Les Oranges jouent beaucoup. Les Oranges jouent beaucoup. Donc, on se revoit lundi à la chasse galerie. Et soyez présents en grand nombre. Puis venez boire de la bière. Après le carnaval, on n'a pas d'autre cœur de toute façon. Est-ce que tu vas participer pour ton assaut demain ou. Il n'y a pas le droit. J'ai pas le droit parce que je joue dans la huître. Le quatrième joueur qu'on cherchait, c'est Alexandre Marchand. Oui. Ah, le premier ou deuxième? Celui qui s'appelle Alexandre au complet. Donc, Alexandre Marchand. Donc, pas le président de la GE. Ça, c'est Alex Marchand. Et voilà. Parce que les deux jouent dans la huître. Le président. Ouais, c'est vrai. Puis ils me disent, moi, je suis Alex, moi, je suis Alexandre. C'est facile, on n'a pas le même nom. Oui, voyons, c'est super. Non, non, c'est ça. Fait que même le public est mélangé. Hey, merci, Xavier. C'est un plaisir. Mon passage a été parce que vous avez défoncé. Ben, oui. Mon passage a été. On fait, je dirais, tout le temps ça, de défoncer, mais là, aujourd'hui, on se le fait dire. Ouais, on c'est va arrêter écoute, là. Fait que je te donne une bonne fin de journée à vous. À ce prochain, peut-être, Xavier. Je sais que tu pars souvent dans le corridor. Oui, je suis tout le temps là. Merci. On termine l'émission là-dessus. C'est tout pour aujourd'hui. Merci donc à Xavier McClish pour sa petite intervention spéciale. Merci à Sébastien Gartin pour son bulletin Gartin. Merci. Il y avait Alphalfa au téléphone. Alphalfa. Oui, le lutin qui nous a fait ça par téléphone. C'est tellement pris le fun. Absolument. On se retrouve demain. On va être jeudi, dernière journée pour Assemblage requis de la semaine. On va avoir à 8h le susmentionné Alex Marchand, président de la GEQTR. Oui. Oui, on a aussi une grosse pointe adresse dans l'émission de demain. C'est vrai. J'ai acheté des produits, ils sont dans mon sac. Ouais. Ouh, j'ai hâte. Ouh, moi aussi, j'ai très hâte. C'est demain entre 6h30 et 9h30 sur nos ondes aujourd'hui, en ce mercredi à 10h. Ce sera l'émission de Compte, qui s'appelle bien sûr Compte à rebours avec. En fait, j'espère qu'il va réussir à se rendre. Monsieur Lamoureux, Antoine. Je l'ai vu passer, si je me souviens bien. Il est même déjà arrivé présent. Oh. En forme. Ah, il est content, lui, il vient en snow truc. En snowblade. En snowblade, exactement. Ou en snow. Je sais plus. À 11h, c'est Rock de Neuron, l'émission de Rock progressif par appel. À 13h, c'est confirmé que Répond avec une chanson devrait être là. Donc, c'est la petite émission d'une demi-heure qui passe inaperçue complètement entre 13h et 13h30. Ensuite, à 15h, c'est le Mathieu Plante Show avec moi-même qui sera de retour pour parler de télévision, de gadgets, de sites internet, de peu importe. Ensuite, à 17h, c'est Audiomatique avec de la musique électronique. Et à 19h, Lob Trotter, pardon, en rappel. Et 20h, Radio Sonic en direct. Voilà. On se retrouve demain à 6h30. Merci, Tania. Bon café! Bonjour et bye! Merci, bye!